dans la vie. Croisière d'assemblage requis. Un autre voyage vers la connaissance s'amorce avec la chronique C'est un fait et la visite hebdomadaire de Simon Fitzbé, notre scout des internets. Ami de croisière d'assemblage requis, tout de suite. Bonjour et bienvenue à la vie de croisière d'Assemblage requis, votre émission estivale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante et je suis seul aujourd'hui parce que Marie-Pierre Laforce-Bourret est en congé encore une fois. Dernière semaine où je suis seul, la semaine prochaine, elle va être de retour. Notre Marie-Pierre nationale et provinciale et locale, elle est tout en même temps. Bienvenue en direct du SS requis en ce jeudi 4 août 2011. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir Simon Fitzbé comme toujours hein, avec sa chronique Le Scout des internets. Il va nous présenter toutes les choses geeks, les choses les plus nerds de la semaine, des nouvelles par rapport à plein de choses. Ça va être très, très bon. Aussi, aujourd'hui, on a un beau petit poste d'écoute. Ça va être bon. Encore une fois, un excellent poste d'écoute cette fois-ci. Ça va être Library Voices. J'adore ce groupe-là. On se rappelle d'eux, ce sont des vétérans des palmarès anglophones. On va voir une chronique, c'est un fait, comme toujours, avec des choses à apprendre. Des choses tellement nécessaires, des choses que vous allez peut-être même réussir à retenir. Tellement il y en a. Hein? On va voir une chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Où on va régler des problèmes que vous avez peut-être pas nécessairement. Et puis, quoi d'autre? On verra des surprises pendant 4 heures ici à la vie de croisière d'assemblage requis. On va commencer comme on le fait à toutes les semaines avec du palmarès. Hein? Vous savez que depuis le début de l'été jusqu'à la fin de l'été, on bascule du côté francophone à l'anglophone de semaine en semaine. Et là, on rentre dedans. Un palmarès extrêmement long. Il va faire le reste de l'été au complet hein, parce que notre directeur de la programmation et directeur musical prend des vacances bien méritées une fois de temps en temps l'été. Et donc, on a un palmarès pour les semaines du 1er au 28 août 2011. Donc, le mois presque au complet. On va évidemment entendre le côté francophone cette semaine, ensuite anglophone et puis après ça pour le reste de l'été, ben, je vous réserve des surprises. On va peut-être mettre ça dans un chapeau et jouer les pièces dans n'importe quel ordre. Hein? Bon. On a beaucoup de nouvelles entrées cette semaine dans le palmarès francophone. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nouvelles entrées francophones pour nous faire toffer longtemps, comme on dit. On va voir Peter, les Jigs, Karim Ouellet, Bravo Funkin et Metagruo. Mon début en 20e, voici Galaxy et Requin Tigre. Sur C'est fou, dans vos oreilles. Numéro 19. Nouvelle entrée. Premier bloc de nouvelles entrées cette semaine dans le palmarès francophone. C'était Metagryo avec Jupiter en 19e position. Avant ça, on a entendu Galaxy avec Requin et Tigre sur leur album Tigre et Diesel. Hein? Requin et Tigre sur Tigre. J'aime ça. C'est joli. C'est cute. Il nous reste encore 4 nouvelles entrées. Si je ne me trompe pas, mais non, c'est tout à fait vrai. On va aller les entendre tout de suite, mais pas en 2 blocs de 2. On va m'en donner la nouveauté quand t'en absorbes trop. C'est fini par te sortir par les pores. C'est pas bien. Pas bien du tout. Donc, tantôt, il y aura Carré Moilette avec Catastrophe en 17e, mais on débute en 18e. Voici Bravo Funken et leur nouvelle entrée, Boîte à savon sur leur nouveau maxi, Cœur Rubik. C'est tout nouveau et c'est vraiment très, très bon. J'ai entendu, on l'a fait jouer l'autre fois dans le merveilleux poste d'écoute. C'était bon, c'était le poste d'écoute, c'est le... il y en aura un tantôt. Les gens sont même pas au courant, j'ai juste ça, le poste d'écoute, poste d'écoute. Hein? « joyau d'un bandit en cavale. Mes pieds nus glissent sur tes sandales. Appuie sur la pédale. Et surtout ne néglige pas de bien gaufrer ta crinière pour faire une voie dans le corps où le vent viendrait par derrière. Nos yeux seront les plus lumières. Que ressenti. Une pousse. autre bloc de nouvelles entrées pour cette semaine dans le palmarès francophone. Ça, c'était Karim Ouellet avec Catastrophe en 17e et avant d'entendre Bravo Funken avec Boîte à savon en numéro 18 sur l'album Cœur Rubik. Il nous reste un dernier bloc de deux pièces dans les nouvelles entrées cette semaine. Il va y avoir Peter tantôt avec Tergiverse, mais voici tout de suite les Jigs avec l'obsédé musical. C'est la vie de croisière d'Assemblage Requis. Assez fou. Amis, je n'en ai pas, je défaillance. Je vais seul, je n'en plains pas. Et tes amis, je n'en veux pas. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes pas, en effet, ventre ou pas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Bon d'accord, j'ai peut-être débordé. Mais aujourd'hui, je sens que ça va mieux. Ça ira, c'est vrai, je te l'assure. Et l'important, c'est que ça te rassure. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes bas, en effet, ventre ou pas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Comment ça va toi, comment va, comment ça va toi, comment ça va à l'école? Comme on dit toujours, ça va bien, bonjour, oui mais moi je ne vais plus à l'école. Comment ça va toi, ça va bien, comment tu t'appelles, de quoi je me mêle, cela ne te regarde pas, moi je ne vais pas, et puis quoi encore, tu me diras qu'il fait beau dehors, dis-moi où tu vas, dis-moi d'où tu viens, dis-moi tout, dis-moi presque rien, dis-moi si tu penses revenir, serait-ce indiscret, cher ami, de te demander quel âge aurais-tu si le monde venait à s'écrouler. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes bas, en effet, ventre ou pas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes bas, en effet, ventre ou pas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Les dernières nouvelles entrées du palmarès francophone, ça c'est Peter Peter avec Tergiverse, featuring Cœur de Pirate, vous l'aurez remarqué évidemment. Et avant c'était les Jigs avec l'obsédé musical en 16e position sur l'album Comme une bombe. Voilà pour les nouvelles entrées des palmarès C'est fou francophone. On prend une petite pause et après ça, poste d'écoute avec Library Voices et leur album Summer of Lust. Reste à l'écoute. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous écoutez la vie de croisière d'Assemblage Requis sur C'est fou. Et oui, comme l'annonceur AKA et alias moi-même vient de le dire, c'est toujours la vie de croisière d'Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment du poste d'écoute d'Assemblage Requis. Et oui, le poste d'écoute d'Assemblage Requis, c'est le segment où on présente une nouveauté de la semaine, donc un nouvel album qu'on a reçu dans la discothèque depuis les dernières semaines, les derniers jours, ici à C'est fou 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Aujourd'hui, c'est un groupe que j'aime beaucoup, Library Voices. On les a déjà entendus dans les palmarès anglophones il y a de ça quelques années avec leur pièce Step Off the Map and Float que j'adorais. On la faisait jouer, je pense, à tous les jours à Assemblage Rookie à ce moment-là. Mais là, ils sont de retour avec un nouvel album, Summer of Lust. On va entendre les trois premières pièces comme dans un vrai poste d'écoute. Tout à l'heure, il y aura Generation Hand Clap et Reluctant Readers Make Reluctant Lovers. Mais on débute avec l'intro qui dure 5 secondes. C'est un petit texte de présentation et ce sera suivi de la pièce If Raymond Carver Were Born in the 90s. Voici Library Voices au 89.1 FM. C'est fou. Library Voices present Summer of Lust. something you could sell, something you could part of as a delegate. You spend your whole life looking on your head until one day your head is disassembled. And go on to find something else, try telling that to your therapist. Poste d'écoute. Reluctant leaders make reluctant lovers. Reluctant leaders make reluctant lovers. Reluctant. Les trois premières pièces du nouvel album de Library Voices, Summer of Lust, on a entendu au début Ephraim and Carver Were Born in the 90s. Avant ça, après, c'était Generation and Clap, oui. Et ça, c'était Reluctant Readers Make Reluctant Lovers. Je vais comprendre pourquoi je m'en fais, j'en ai les mots. C'est des noms vraiment compliqués pour cette pièce-là, mais c'est pas grave. Donc, Summer of Lust par Library Voices, un groupe de indie-pop canadien qui vient de Regina, en Saskatchewan, formé en 2008. C'est un groupe de 10 amis musiciens. 10 dans ce groupe-là. C'est pour ça que c'est bon, sûrement. Leur maxi précédent dans le temps là, a été nominé pour l'album indépendant de l'année au 2009 Western Canadian Music Awards. Et leur premier album, Denim on Denim, a été nominé pour le même prix en 2010. Vous pouvez les retrouver sur librarievoices.ca ou encore sur myspace.com/librarievoices où on apprend là-dessus que le magazine Spin a dit que c'était un des groupes pas trop découverts que vous devez entendre absolument maintenant. Et je suis très d'accord avec ça. Library Voices. Et l'album s'appelle Le Summer of Lust. Voilà pour le poste d'écoute. Il y en aura un autre tantôt dans l'émission La vie croisée à l'assemblage requis. C'est plus tard. Mais pour l'instant, on retourne dans le palmarès francophone pour aller entendre les prochaines positions, c'est-à-dire les 14 et 13e. Suivra Monogrenade avec La Marche dans quelques minutes. On débute avec Jean-Philippe en 14e. Ça descend d'une place. Voici Embarque ma belle. Mais pas celle-là. Pas Embarque ma belle que vous pensez. Une autre Embarque ma belle. Même nom, très différent style de musique. Vous êtes assez fou, 89.fr. Je pense à toi, je pense à une trêve. numéro 12. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête? On s'en met toujours à 77. Et tout le monde est un esthète. L'apocalypse devient une fête. Le Globe avec 77 en position numéro 12, ça descend d'une place. Avant, ça descendait aussi d'une place. Monogrenade avec La Marge en 13e. Et même chose, descendant d'une place, 14e position, Embarque ma belle de Jean-Philippe sur l'album Le Bout du Monde. Vous êtes à la vie de croisière d'Assemblage Requis. On va prendre une autre petite pause du palmarès francophone pour aller entendre une pièce qu'on a entendue la semaine passée dans le poste d'écoute. Hein? Le bloc qu'on vient juste de faire tantôt. Hein? Mais oui, c'est vrai, il y a des affaires bonnes là-dedans, donc on les refait jouer. C'est bien normal. Contrairement à ailleurs où ils vont avoir une nouveauté par mois, mais ils vont la faire jouer comme 300 fois dans le même journée, je sais pas si c'est possible. Donc on écoute Angus and Julia Stone avec la version française entre guillemets là, de And the Boys. Vous allez comprendre en l'écoutant qu'il n'y a pas beaucoup de français dans cette pièce là, mais elle s'appelle And the Boys French version Angus and Julia Stone right now. Moi je parle en anglais parce que une émission en français, mais je parle en anglais quand même. Vous avez compris, hein? D'accord. It's been days now and you change your mind again. Feels like years and I can tell how time can bend your ideas. And the boys go on and on and on and on. And the boys go on and on and on and on. Girl, falling from the things we should have learned. safer to keep you in this hideout. Yes, and the boys, French version de Angus and Julia Stone. Vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de français là-dedans, mais il y en a plus que je me rappelais quand je l'avais entendu la semaine passée. T'sais? Un petit peu plus. On ne le comprend pas nécessairement, mais il est là, le français. C'était très bon, ça, et c'était la fin de la première heure de la vie de croisière d'assemblage requis. Il y en a une deuxième, une troisième et une quatrième qui s'en viennent tout à l'heure. On va commencer par la deuxième, c'est une chose à la fois. Hein? Dans la deuxième heure, on va voir Simon Fitzbé avec sa chronique Le Scout des Internets, avec les nouvelles les plus geeks de la semaine. Ça va être tellement fun, j'ai hâte de passer un bon moment geek, parce que moi, les moments geeks sont mes moments préférés de toujours. T'sais? C'est comme ça. Même, je suis geek. Je m'assume. Sinon, qu'est-ce qu'il va y avoir en musique, comme un petit peu de palmarès? Sûrement du Méta Gruau, du Philippe B, du Malajub et peut-être même du Antoine Corriveau. Hein? Tout ça dans la deuxième heure de la vie de croisière d'assemblage requis. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours la vie de croisière d'assemblage requis en direct en ce jeudi 4 août 2011. Moi, c'est Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret est en congé cette semaine, mais va être de retour la semaine prochaine. C'est vrai. Vous savez, depuis le début de l'émission, aujourd'hui, on est en palmarès francophone, le gros top 20 de plein de nouvelles choses. C'est tellement bon, mais on va prendre une autre petite pause parce qu'à un moment donné, il faut l'étirer, il faut le faire durer 4 heures, ce beau petit palmarès francophone. Donc, on va aller du côté anglophone, petite excursion, suivez-moi. Je vais vous amener vers le droit chemin. On va entendre une pièce de Ringo Dead Star. Voici Imagine Hearts. C'est juste ça. Ça n'a pas rapport à sketch, là. C'est pas vraiment un sketch. Un sketch, ça serait drôle. Ouais. Ah, une autre incursion dans le palmarès anglophone. On vient d'entendre Madman avec Knuckle Down. Et avant ça, c'était Ringo Dead Star avec Imagine Hearts. Maintenant, avant de continuer avec d'autres musiques anglophones, Gorillaz, tantôt, voici la chronique que c'est un fer. Encore une autre chronique, c'est un fait avec juste moi et personne pour réagir à mes commentaires. Donc, vous à la maison, riez en masse. Si vous riez assez fort, je vais peut-être vous entendre. Comment ça, par rapport? Ben, commençons avec premier fait. Tiens, le président Ronald Reagan, vous connaissez Ronnie Reagan, a reçu 372 boucles de ceinture pendant qu'il était président comme cadeau. T'sais. Des cadeaux, boucles de ceinture, c'est quand même joli. La gang de The Real World s'est diffusée sur la Musique Plus, là, c'est l'émission de télé-réalité d'MTV, là, c'est le vrai monde, point d'interrogation, je pense. Bref, ils doivent signer un contrat qui dit « Vous n'avez pas de maladie transmissible sexuellement, mais par contre, vous acceptez que les autres dans l'émission pourraient en avoir, peut-être. » Ils signent ça, t'sais. Moi j'en ai pas, mais ça se pourrait que les autres en aient. Ensuite, parlant de ça... Hein, de en bas, là. Les testicules d'un homme, étrangement, les testicules d'un homme. On n'englobe pas les animaux là-dedans, seulement les hommes. Ça produit 10 millions de nouvelles cellules de sperme par jour, ce qui serait assez pour refaire la population de la planète au complet en seulement 6 mois. Toute la planète, 6 mois, ouais, par jour, là. 10 millions de nouvelles cellules de sperme. D'accord. Autre sujet complètement, avant-hier, le 2 août, c'était la journée Wi-Fi. Pourquoi Wi-Fi? Parce que la date, en anglais, 08-02-11, 802.11, quelque chose, 802.11bn et les autres comme ça, c'est des protocoles de Wi-Fi. Donc c'est la journée du Wi-Fi il y a deux jours. Ah, bon. En 2006, restons dans les communications, Qatar Telecom a mis aux enchères le numéro de téléphone cellulaire 666-6666 pour la charité des œuvres de bienfaisance. Et la mise gagnante était de 2,8 millions de dollars pour avoir ce numéro de téléphone-là, 666-6666. Ça se compose très bien. Les Schtroumpfs, les Schmurfs, dépendant de la langue ou de l'endroit où vous êtes, ont été créés par, vous le connaissez, le cartooniste belge Peyo. Et ils sont apparus pour la première fois en 1958. Ça, je savais pas ça, 1958. Eh ben. Warner Music ramasse 2 millions de dollars par année en frais de royalties, ce qu'on appelle communément, peut-être incorrectement, des royautés, sur les performances de Happy Birthday, donc la chanson Bonne Fête. Ils l'ont acheté en 1988, donc maintenant, quand, par exemple, dans un film ou une série télé, ils doivent absolument utiliser la chanson Happy Birthday, ils vont payer ça à Warner Music et ils font donc 2 millions de dollars par année. C'est pour ça que dans la plupart des films ou des séries télé, la solution la plus facile, c'est qu'ils inventent une nouvelle chanson de Bonne Fête ou ils en utilisent une qui coûte beaucoup moins cher, tu sais, Oh, it's a jolly good fellow, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Que tu sais, je veux dire, pourquoi tu chantes ça à ta fête? On se demande tout le temps ça en le regardant. Ben, c'est pour ça. Outkast, vous connaissez l'artiste Outkast? Peut-être pas, peut-être. Tant mieux si vous connaissez pas, on s'en fout. Il a chanté Shake It Like a Polaroid Picture. On s'appelle Shake It Like a. Bon, je la chanterai pas, je la connais pas la chanson. Shake It Like a Polaroid Picture. Bon. Donc, Polaroid et la compagnie a dit que votre image ne touche jamais à l'air parce qu'il y a une couche par-dessus. Donc, l'image ne touche pas à l'air. Donc, brassez. Ou passer à l'air la photo, ça n'a absolument aucun effet sur la photo. Moi, j'avais lu dans un autre article à un moment donné, sûrement qu'il n'y avait pas rapport, qui disait que ça pouvait même nuire à la photo, mais je crois pas parce que j'ai jamais vu vraiment de photo être défaite à cause de l'avoir comme ça, brassée. Donc, ça n'a aucun effet. C'est ce qu'on a à retenir là-dessus. Les perroquets. Les perroquets n'aiment pas les avocats. Et là, je parle de la chose qu'on mange. Là. Les avocats peuvent être fatales. Ça pourrait les faire mourir, finalement. Hein? Bon, donc, nourrissez pas votre perroquet d'avocat. C'est clair. Hein? Parlons de requins, parce que c'est la semaine des requins. Est-ce que c'est cette semaine? Shark Week sur Discovery Channel. À chaque année, ils font une semaine spéciale sur les requins. C'est super populaire aux États-Unis. Tout le monde capote là-dessus. Cette année, c'est le gars de Saturday Night Live, le show, la binouche là, qui l'anime. Super bon. Bref, donc, la plupart des requins... on parle de requins ici, d'accord? La plupart des requins peuvent avoir entre 6 et 12 bébés à la fois. Hein? Mais des sortes de requins, là, j'ai pas été chercher les noms en français, mais Hammerhead et Tiger Shark peuvent avoir autant que 40 bébés à la fois. Quand ils ont des bébés. Et ouais. La peau de requin est couverte de denticules, d'accord, qui sont des petites dents qui sont vraiment super coupantes comme des lames de rasoir. Les denticules peuvent être enlevés du corps d'un requin et après qu'on enlève ces petites dents-là, le reste de la peau peut faire du cuir très résistant, très fort. Une paire de souliers faite avec du cuir de requin peut durer 4 fois plus longtemps que des souliers normaux. C'est avec de la peau de barre. Ensuite, plus de gens se font tuer par des piqûres d'abeilles que par des attaques de requins. des piqûres d'abeilles. Des fois, t'es allergique à ça. Ça peut tuer pas mal plus de monde qu'un requin ou, je sais pas, les gens sont peut-être pas allergiques autant aux requins. Peut-être pas du tout. Savez-vous que Lego est le plus grand manufacturier de pneus au monde? Là, vous êtes surpris, je le vois. Vous êtes surpris. Lego produit ou fabrique 306 millions de pneus par année. Bon, évidemment, là, on parle des petits pneus qui vont après les petites voitures. C'est pas le nombre de pneus qui engloberait, c'est si on en mettait plusieurs ensemble pour faire la grosseur d'un pneu normal. Non, c'est pas ça. C'est le nombre de pneus, de petits pneus. Donc, Lego produit plus de pneus que n'importe quelle autre compagnie de pneus. D'accord. D'autres faits amusants sur Lego, c'est que la compagnie produit 28 500 morceaux de Lego à chaque minute. Hein? On nous dit que 6 briques avec 8 pinouches dessus, là, 6 briques à 8 pinouches chaque, là, peuvent être mises ensemble ou imbriquées de plusieurs façons. En fait, on dit de 915 103 765 différentes façons de mettre 6 briques de 8 pinouches ensemble. Hein? Aussi, on dit que qu'on a calculé que 971 591.5 blocs Lego un par-dessus l'autre, d'accord? 971 000 quelques, là. Ce serait assez de pression pour aplatir complètement la brique du dessous. Ça en prendrait beaucoup quand même. C'est quand même assez solide, ces affaires. Des blocs Lego. Deux petits faits rapides pour terminer. Le nom Jeep, c'est des camions Jeep, là. Ça vient de l'abréviation militaire GP, ce qui voulait dire véhicule General Purpose. General Purpose, ça veut dire pour utilisation générale. Là. Rien de bien spécifique. Donc, Jeep, GP, General Purpose. Eh bien, je suis impressionné. Et aussi très impressionnant comme dernier fait, Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, n'aurait jamais pu, ou en fait n'a jamais pu, appeler sa propre femme ou sa propre mère. Sa femme et sa mère. Donc, question piège, réponse de votre part. Hein? Parce qu'elles étaient toutes les deux sourdes, évidemment. Voilà, vous gagnez un prix comme Price is Right avec le Price is Right, cet automne de survie. Vous voyez l'émission de la station de télé? Le Price is Right, super bon. Ça s'en vient cet automne. J'ai hâte. Donc, Alexander Graham Bell avait une femme et une mère sourde. Voilà, c'est super. Hein? Ben, c'est pas super. On s'entend que c'est pas super du tout. Mais c'est quand même un fait intéressant. Voilà pour la chronique, c'est un fait pour cette fois-ci. Il y en aura une autre plus tard dans l'émission. Et encore de l'interactivité entre vous et moi, parce que je vous vois et je vous entends. Hein? Pas la vraie du tout. On prend pas de demande spéciale non plus. Ah, si vous voulez une demande spéciale, parlez quand on est en direct. Là. Ça arrive, on est en direct les jeudis après-midi. 819-376-5183. Et on prend n'importe quel appel, et puis on vous met n'importe quoi qui joue assez fou. Donc ça arrêterait ici votre champ pas mal. On va aller entendre une autre pièce anglophone avant de continuer dans le palmarès francophone, parce que vous le savez, c'est la semaine du franco cette semaine. Donc on va entendre Gorillaz. Tout de suite, voici Revolving Doors. Allez, vite croisière d'assemblage requis, 819-376-5183, si vous écoutez en direct le jeudi. I seen her running. Gorillaz et la pièce Revolving Doors dans la vie de croisière d'assemblage requis. Parlant de Doors, en fait pas du tout, là. Mais un fan de musique, genre de Doors, Simon Fitzbay va être là tantôt pour la chronique Le Scoot des Internets. On va parler entre autres peut-être de Google Plus, hein, parce que tout le monde est là-dessus, là. Capote Google Plus. C'est le fun. J'étais allé deux fois. Mais pour l'instant, on va retourner en palmarès francophone parce que c'est le rôle de notre émission aujourd'hui, aux deux semaines, hein, franco-anglo. Je pourrais continuer bien longtemps comme ça avec une voix super aiguë. On va entendre Philippe B tantôt avec L'été, l'ancien numéro 1, mais on débute avec Méta Gruau. Ça descend de 9 places. Voici Feu de poubelle. Sur C'est fou, 89.1 FM. Déshabille Montréal. passer l'été à écouter chanter les oiseaux, les rideaux fermés. Et parmi les mal-aimés, étendus par milliers, tout nus sur les grandes pelouses, et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal, et la ville avale le soleil. À l'envers, une autre fille de gaspiller une autre saison en enfer. J'ai viré les heures à l'envers, une autre fille de gaspiller une autre saison en enfer. We'll be right back. La pièce Sangsue de Malajub sur les ondes de CIFU 89 FM. C'est la position numéro 9. Ça monte de 11 places. C'était nouveau la semaine passée sur leur album La Caverne. Et maintenant, vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. Là, ça va être Simon Fitzbé qu'on accueille à l'instant. C'est le Scud des Internets. Scud des Internets. Scud des Internets. Toujours aussi plaisant d'entendre ce thème-là. C'est joli. Oui. C'est très, très cute. Donc, Simon qui vient nous parler à chaque semaine des nouvelles technologiques de la semaine. Oui. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben, on peut débuter avec Google Plus parce qu'on l'a depuis une semaine et quelques jours. On se rappelle qu'en direct à l'émission de la semaine passée, je t'ai envoyé une invitation pour t'inscrire. C'est grâce à moi donc que tu as découvert ça. Effectivement, je te remercie beaucoup, Mathieu. Ça a changé ma vie. C'est incroyable. C'est maintenant, ça. Je ne jure que par Google Plus. Pour l'instant, je prends le crédit. Plus tard, quand tu vas bannir Google Plus comme tu as fait avec Facebook, ben là, je vais complètement enlever mon crédit. C'est pas de ma faute. C'était à tout pour t'inscrire. Ben non, mais tu sais bien que c'est de l'ironie. Là. Google Plus, c'est intéressant, mais c'est encore bêta. Faut dire par contre que c'est, on s'entend, là, c'est bêta et c'est en période de test, mais c'est aussi une bonne façon de rendre le produit plus intéressant pour les gens qui vont s'arracher des invitations. 25 millions de gens ont joint Google Plus en un mois. Ouais, combien de gens l'utilisent là-dedans, on sait pas. Pas beaucoup. Non, sérieusement, là, et en plus, c'est qu'on n'a pas d'amis qui est là. Moi, j'avais toi et j'avais Dany Janvier aussi qui est là-dessus. C'est les deux seules personnes que vous êtes les deux seules personnes que je connais personnellement. Ah, Myriam Fugère est là-dessus, si tu veux la. Ah oui, elle est là-dessus. Ah, il y a aussi Marie-Noël Magno. Il y a Ozone Campus qui est là aussi. Marino Carré, comment on l'appelle? Oh! Parce que Marino. Parce que c'est Marie-Noël, Marino. Marie-Noël, Marie. Je suis pas vite aujourd'hui. Je passe trop de temps justement sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, il y a beaucoup. Les blogueurs sont forts, par contre, sur Google+. Il y en a beaucoup qui ont déjà fait la transition, entre autres Michel Blanc, tu sais, la spécialiste des réseaux sociaux, qui est autoproclamée spécialiste des réseaux sociaux, en fait. Moi, je me nomme, en ce moment, je me nomme le roi des ondes de la radio. Ben oui, mais ça, c'est vrai que t'es le roi des ondes de la radio. C'est Howard Stern, ça, non? Oui. Ou Alain, quand il est pas en vacances. Mais quand même, il y a beaucoup de spécialistes des réseaux sociaux, de blogueurs qui sont sur Google+, mais pour ce qui est des gens ordinaires comme toi et moi, il y en a pas beaucoup. Non. J'ai pratiquement tordu un bras à ma blonde pour qu'elle accepte une invitation. J'en envoyais à plein d'autres mondes. Ils sont pas là. Non. Ça les intéresse pas plus qu'il faut, mais bref, ça va venir parce c'est que. C'est trop nouveau. T'sais, Facebook, ça a été. Ça a pris du temps avec le monde s'habitue. C'était aux États-Unis, c'était dans les universités seulement. Ça a fini par, à un moment donné, débloquer dans le reste du monde. Puis là, soudainement, du jour au lendemain, tout le monde est dessus. Exact. Ça a pris un bon 3 ans avant de se développer. Même arrivé au Québec, ça a été traduit en français après quelques temps. Parce que c'est, moi, quand je suis arrivé sur Facebook, c'était pas encore en français. Non. Ça s'est tranquillement pas vite traduit. Google Plus est en anglais aussi. J'ai pas trouvé de fonction de le mettre en français. J'ai aucune idée. J'ai pas assez joué avec pour le dire. Il y a des trucs qui sont plates aussi, là, comme les plus 1 qu'on peut faire sur les sites n'apparaissent pas nécessairement dans le fil de nouvelles, ce qui est un peu stupide parce qu'il faut aller voir la personne en question que tu veux voir, qu'est-ce qu'elle lit ou qu'est-ce qu'elle choisit, qu'est-ce qu'elle sélectionne. Et là, il faut aller voir sa section, je crois que c'est Spark, qui, là, on a tous les plus 1 qui ont fait sur Internet, voir qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, c'est un peu ordinaire. Je veux dire, sur Facebook, tu l'as dans le fil de nouvelles et je pense que c'est plus intéressant. Ouais, mais ça devient embourbé, Facebook. Oui, ça, c'est très, très long de lire Facebook. Donc, je peux comprendre qu'ils ont voulu le séparer, mais ça fait qu'on n'a pas grand-chose à lire, à moins de vraiment aller fouiller dans la page de chaque personne. Effectivement. On rappelle que les plus 1, c'est comme des likes sur Facebook. Ouais, c'est ça, mais c'est répandu partout sur Internet et surtout sur Google. Lorsqu'on fait une recherche, on peut plus 1 et. Ben, c'est ce qu'ils disent dans les instructions sur Google+, dans les menus déroulants, c'est marqué plus one the item, comme ouais, si c'est c'était... Ça, c'est devenu un verbe. Additionner un, on pourrait dire ça en français. Ah, on va l'additionner. On peut additionner plusieurs, donc tous les résultats Google qu'on veut, on peut les additionner pour que ça se retrouve directement sur mais Google+. Mais eux, c'est facile, de la part de Google, qui ont tellement de produits qui peuvent aller intégrer tout ça. Facebook, tu sais, s'ils veulent intégrer un bouton like à un site, ben c'est le site lui-même qui va devoir aller le faire un par un sur toute l'Internet, alors que Google... Généralement, les sites le font beaucoup. D'ailleurs, si R13 est rendu avec un bouton additionner 1 sur leur site. Wow, ils sont vraiment à l'avant-garde. Mais ça reste quand même très, très précaire. Il n'y a rien à faire avec ça. Il va falloir développer un peu plus. Et justement, on peut compter sur les gens peut-être pour aider au développement. Mais il y a un spécialiste, un expert, entre autres, qui a dit que Google Plus fera de Facebook le prochain MySpace. C'est selon lui, mais ça pourrait prendre quand même plusieurs années. C'est-à-dire, je cherche le nom du bonhomme. Là. Steve Kyle, qui est un ancien chercheur de l'University College de Londres, qui est un créateur populaire de protocole de répertoire LDAP. qui veut dire quelque chose. Sûrement. Il dit que Google Plus possède présentement plus d'avantages que Facebook et que Facebook risque de terminer sa vie comme MySpace. Entre autres, il dit qu'il y a 5 points pourquoi Google Plus est supérieur à Facebook. J'essaie de trouver les points là, dans l'article. J'ai pas nécessairement tout lu, mais bref, il y a plusieurs trucs qui sont plus intéressants. Entre autres, l'intégration des autres services web au réseau social Google Plus est un avantage indéniable. L'intégration, c'est-à-dire probablement les plus 1 que moi je trouve un peu plate, mais bon, c'est sûr que si c'est raffiné, ça pourrait être plus intéressant. Les cercles d'amis, ça aussi, considère ça plus intéressant que sur Facebook, mais sur Facebook aussi, on peut faire des groupes de gens, donc je vois pas c'est quoi. Là, c'est pareil, dans le fond, c'est ça. Et les gens que tu mets dans des groupes ne sont pas au courant que tu les as mis dans ce groupe-là. Ouais, exactement. C'est ça qui est bien. Ouais, tu peux te faire un groupe porn. Genre, un groupe quoi? Excuse-moi, hein? Ah, oui. Comment? Un groupe aussi. Oui, mais par contre, les gens. Est-ce que les gens peuvent voir tes cercles aussi? Je crois pas qu'ils peuvent. Non, parce que, bonne question, c'est parce qu'ils peuvent pas voir dans lequel tu les mets, mais ils peuvent voir les groupes que tu as créés. C'est ça. Si tu te fais un groupe, comme tu dis. Faudrait le tester. Faudrait tous se faire un deuxième compte. Ouais, dans chaque, pour tester de quoi ça a l'air. Ben, ouais. Hey, d'ailleurs, parlant de comptes farfelus et autres, Bill Gates qui est sur Google Plus, supposément. Mais je doute quand même assez bien de si c'est vraiment lui, parce qu'entre autres, un de ses premiers posts, ça a été j'ai essayé un système d'exploitation de Linux et je dois vraiment dire que c'est meilleur que tout ce que Microsoft a fait depuis nos débuts. Donc là, c'est très crédible, finalement. Très, très, très crédible. Et le gars, donc, dit, entre autres, que c'est ça, justement. Linux devrait être installé sur tous les PC, que ça devrait beaucoup être meilleur que tout. Et les descriptions, dit dans la description, je suis un multimilliardaire qui a owné le monde du PC dans les années 90. Donc, voilà, comme s'il était quelqu'un de déchu. Et on sait que Bill Gates a quand même je dirais pas une haute estime de lui-même, mais il se considère quand même encore comme un gourou de l'informatique. Et c'est quand même vrai, malgré qu'il soit moins à l'avant, à Steve Jobs. C'est une question de goût, de toute façon. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Est-ce que c'est Apple? Est-ce que c'est Microsoft? Il y a des fans de Microsoft. Ah oui, on le voit un peu dans MAPC. Ben, I'm a PC. Hey, ce gars-là, là, il est particulier. Hein? Il dit qu'il est déjà rentré dans un Apple Store, là, le I'm a PC guy. Ouais. Là, et il s'est... C'est-à-dire, il a créé l'euphorie. Les gens vraiment capotaient sur lui. Ils ont passé des vidéos, des pubs. Il venait juste acheter un fil pour son iPod. C'est incroyable. C'est génial. Mais bref, voilà pour ce qui est de Google+. Là, on regarde encore 25 millions de personnes en un mois. C'est quand même beaucoup de gens. Est-ce que tu as vu le graphique? Il y a quelqu'un qui a fait un graphique de la montée de Facebook qui est vraiment très, très tranquillement. Ça a non, j'ai pas vu le graphique, non. Puis l'autre, c'est comme directement au sommet. Oui, on peut imaginer ça, mais c'est justement... Il y a beaucoup de circonstances à regarder. C'est Google qui lance, c'est les invitations aussi qui mousse le taux de gens qui vont y aller. Mais d'après moi, ça va stagner à un moment donné. D'ici peut-être un mois, ça risque de stagner peut-être à 50 millions. Ça va prendre du temps avant qu'on atteigne disons le 100 millions. Qu'il y a les gens normaux, si on veut, comme toi puis moi, ou ma mère qui joue à Farmville ou à Garden of Time, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça m'étonnerait qu'elle se rende sur Google Plus demain matin pour y aller. Mais bref, ça va être intéressant de voir. Et il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent là. Beaucoup de gens français aussi. Il y a beaucoup de journalistes. Je pense que j'avais lu un post sur Google Plus. Comme ça, il y avait quelques centaines de journalistes québécois qui sont déjà sur Google Plus. Quand même. Ouais, quand même. C'est intéressant. Ça peut servir de nouvelles. Mais pour les nouvelles, je continue à préconiser Twitter, qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus mainstream. Oui, c'est rendu à la mode, là. Oui, c'est très à la mode. C'est plus à la mode que Facebook. Et d'ailleurs, parlant de Facebook, j'ai juste une petite nouvelle là-dessus. Je ne veux pas nécessairement trop m'étendre là-dessus. Mais la sœur de Mark Zuckerberg quitte Facebook. La sœur de Mark Zuckerberg? Oui, et vous irez voir sur Cyberpress, il y a une photo d'elle. Elle ressemble à son frère. Ça n'a pas de bon sens. Okay. Mark Zuckerberg avec une perruque. C'est drôle. Écoute, le site Internet a annoncé mercredi que Randy Zuckerberg, la sœur aînée du PDG et cofondateur Mark Zuckerberg, avait démissionné de son poste de directrice au marketing. Donc, elle travaillait dans la famille et elle a décidé de quitter Facebook pour démarrer sa propre entreprise. Donc, elle n'a pas quitté nécessairement le site de réseau social, mais elle ne travaille plus pour son frère, chose qui est un peu bizarre, mais bref. C'est le site All Things Digital qui avait annoncé ça, que Mark Zuckerberg en congé de maternité depuis... la sœur Randy Zuckerberg, qui était en congé de maternité depuis 3 mois, voulait lancer une nouvelle entreprise de médias pour aider les entreprises à être plus sociales. Donc, on reste dans la famille. On s'entend qu'elle n'aura pas trop de problèmes à partir de sa compagnie et la santé financière risque d'être quand même bonne. Mais bref... Voilà, elle n'est plus sur Facebook. Elle est sur Facebook, mais elle n'est plus sur Facebook. Elle est dans les airs. Dans le nuage. Oui, c'est ça. Mark Zuckerberg, à ce qui paraît aussi, est l'homme le moins bien habillé de Silicon Valley. Bon, des potins, hein? Oui, ça, c'est la mode du hoodie. Là, oui, le coton ouaté avec capuche. Le coton ouaté qui n'a jamais changé, il n'a jamais perdu ça. Il faudrait peut-être... C'est tellement 2008 comme vêtement. Là, 2008, c'était généreux dans le récent. Hein? Ouais, ben moi, j'aime ça encore porter ça. Non, c'est bien. Pas c'est tous bien. Les jours, disons. Mais tu sais, mode coton est fermé pas mal partout. Mode coton. Oui, mode coton. Je jamais allé là. Non. C'est drôle, il avait fait une entrevue, je pense, en 2007 ou en 2008, où il avait tellement chaud parce qu'on lui posait des questions, on le mettait dans un coin vraiment pour les questions de sécurité de Facebook. Il avait tellement chaud qu'il a dû enlever mon coton ouaté. Lorsqu'il l'a enlevé, il y avait comme une genre d'emblème en arrière qui ressemble un peu à ce qu'on voit sur la page d'accueil de Facebook, c'est-à-dire des gens reliés et tout. Il y avait des mots écrits en latin. En fait, c'est le créneau des créateurs de Facebook, c'est-à-dire relier tout le monde partout pour que tout le monde soit relié autour de Kevin Bacon. 6 degrés de Kevin Bacon. Hein? Tu sais, sauf que tu prends une vedette dans un film, tu peux, oui. avec 6 étapes, te oui. rendre à. Oui, oui. Kevin ça, je connais Bacon. Le principe, mais. Ah, oh, on se rend à Kevin ça. Bacon, ah oui. Ah, c'est ça, non, c'est pas ça le chandail, excuse-moi. Hein? Il y avait des liens en latin pour se rendre vers Kevin Bacon, c'était ma joke, c'était pas drôle. Ok, prochain sujet, s'il te plaît. Kevin Bacon, il dit dans quoi Kevin Bacon dernièrement? Il n'a pas fait grand film, hein? Il n'est pas. C'est pas grave, il en a tellement fait que tu peux te rendre à lui en 6 étapes. Ouais, ouais. Effectivement. Ouais. Inconfortable au bout de ça. Hein? Yes! Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Moi. Je vais savourer plus longtemps. Non. Ouais. Ok, laisse-toi ça. Ok. maintenant, on a Microsoft qui lance une compétition pour déjouer le piratage. Ah! Et oui. Donc, le groupe informatique Microsoft a lancé mercredi une compétition anti-piratage offrant jusqu'à 200 000 $ à quiconque trouvera des solutions performantes pour les luttes contre ce fléau. Microsoft se rend compte en fait la nécessité de stimuler la recherche dans le domaine de la technologie, la sécurité informatique défensive. C'est-à-dire qu'on veut peut-être se défaire de Norton chez Microsoft. Le prix est destiné en fait à des informations. Laisse faire. Les gens de 14 ans ou plus, en fait, qui vont trouver des lignes de défense, voilà, contre les catégories d'attaques qu'on peut faire sur le système d'exploitation Windows. Elles sont nombreuses. Oui, les failles. Mais en fait, oui. On dit souvent que c'est parce que des failles dans Windows ou dans DOS, c'est pas nécessairement ça. C'est juste que pendant tellement d'années, on a été habitué à travailler sur DOS, sur Windows, que l'expertise s'est créée là et les hackers et tout ça viennent de ce monde-là. Parce que si on aurait travaillé sur des Mac pendant... Si on avait... C'est bon pour te corriger. Hein? Ouais. si on avait travaillé sur des Mac pendant des dizaines d'années comme on l'a fait, probablement que les Mac auraient plus de virus que les produits de Microsoft. Et donc, ça va avec le pourcentage aussi d'utilisateurs. C'est peut-être que les hackers ne veulent pas nécessairement hacker quelque chose qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui vont avoir des répercussions. Même si c'est de moins en moins vrai, on s'entend. Oui, il y en a maintenant de plus en plus de piratage et de virus sur n'importe quelle plateforme et des virus. D'ailleurs, c'est Mac Shield ou quelque chose dans quand tu vas sur un site douteux, là, ben souvent tu vas avoir une publicité qui dit installe cette application-là sur ton Mac, tu vas avoir une. On va le nettoyer au complet. Oui. Et en fait, ça, c'est justement un virus qui s'installe, mais on dit qu'avec Lion, il n'est plus supposé avoir de virus du tout parce qu'ils ont tout changé. Là. Et de toute façon, à mon avis, en tout cas pour l'instant, ça doit être encore vrai, peut-être que ça va l'être de moins en moins, mais les utilisateurs de Mac, donc ceux qui vont aller par exprès acheter un Mac qui sont. T'sais, plus intelligent, mettons, peut-être. Je vais peser mes mots, mais dans le sens qu'ils font plus attention parce que c'est des vrais geeks, t'sais, qui apprécient vraiment leur ordinateur. Alors que ceux qui achètent un PC, c'est le choix par défaut, c'est monsieur et madame tout le monde qui connaissent pas ça, puis qui vont se faire prendre par une pub qui dit on va vous nettoyer votre ordi, puis dans le fond, c'est un virus. Ouais, sûrement que t'as moins de chance parce que les gens qui l'utilisent connaissent plus ça. Oui et non, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont prendre des Mac pour leur facilité d'utilisation. Ouais, c'est un clavier, c'est un écran, un clavier, puis une souris. Mais c'est vrai que sur PC, il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus de gens aussi qui vont avoir des nombres d'ordinateurs de gens que je connais qui connaissent rien à ça, qui ont un PC qui est infecté à l'os de cossin. Mais ça aussi, c'est tous les courriels et les pourriels et les chaînes de PDF et de choses comme ça que nos parents nous envoient. Là. Ouais, des images si de toi, ça t'arrive dans ta famille, mais c'est tellement plate. Mais ça peut se retrouver là-dedans aussi. Donc faites attention et achetez-moi un bon antivirus ou attendez que la compétition finisse. Et peut-être que dans 15-20 ans ou sur Windows 8, il y aura petites options de sécurité de plus, mais... Et pour l'instant, lisez les journaux, ma place. Ouais. Ben justement, parlant de journaux, on peut le faire tout de suite. Hey. On fait un lien, c'est bon. Écoute, c'est que les pubs Internet rapportent mais plus que les pubs dans les journaux. Ben oui, hein. C'est quelque chose que j'étais certain qu'il arriverait jamais, en fait, parce que, je croyais pas nécessairement à la possibilité de vraiment faire un revenu publicitaire sur Internet, mais c'est ce que nous apprend, en fait, Cyberpresse, qui pourrait éventuellement devenir la presse tout court, parce que il y a des rumeurs comme quoi que d'ici quelques années, bon, un an et demi, deux ans, en fait, il n'y aura plus de presse papier. Mm-hmm. Ça va être seulement sur Internet, sur Cyberpresse. Donc, sur les iPads qui vont vous fournir quand vous vous inscrivez. Il y a des compagnies qui font ça, qui offrent des pour iPads. Ils font ça? Oui, tu t'inscris, tu t'abonnes au journal, puis tu envoies un iPad que tu puisses lire. Ah ouais, ben, je vais peut-être m'inscrire à la presse. Ouais. Non, mais quand même, on dit que les revenus avaient dépassé donc les prévisions de 2,1 milliards pour aller à 2,23 milliards en 2010, ce qui est quand même assez gros. Ça dépasse maintenant ce que font les journaux. En fait, les publicités dans les journaux baissent de prix. Les espaces publicitaires sont de moins en moins chers, mm-hmm, parce que les gens lisent de moins en moins les journaux. Et de l'autre côté, sur Internet, ça augmente parce qu'il y a de plus en plus de visites uniques par mois maintenant, qu'on doit trouver une façon vraiment de compter chaque personne qui vient sur le site, dépendant de la journée et tout. Ils ont pu placer les publicités et c'est plus intéressant en fait pour les publicitaires, parce que si t'as pas beaucoup d'argent, ben ils peuvent te suggérer, bon ben mets ta pub pendant peut-être une demi-heure de temps à tel côté de la page, c'est moins cher que si tu viens à 4h de l'après-midi, là où c'est qu'il y a le plus de trafic sur le site internet, et ça va te coûter extrêmement cher. Puis on sait que de nos jours, sur beaucoup de sites qui ont des publicités, la page va s'actualiser automatiquement à chaque quelques secondes. Mm-hmm. Donc t'es en train de lire un article, t'es rendu au milieu, la page s'actualise, la pub nouvelle change pub. Et tu dois relire le début de ton article pour savoir où tu étais rendu. Ouais. Ça fait chier tout le monde, mais en même temps, les publicitaires aiment ça. Et ce que j'aime du fait d'avoir les publicités sur des blogs ou n'importe quoi, sur des sites, c'est que tu peux les bloquer. Mm-hmm. Et l'autre affaire, c'est que, un peu comme dans un journal où tu regardes pas du tout les pubs, parce que moi, dans mon cas, je relis le journal et je lis pas les pubs. Ouais. Puis les pubs sur Internet, tu peux aussi ne pas les regarder, ça qui est le fun. Exactement. C'est vraiment bien pour le public. On a comme notre champ de vision élimine les pubs, ouais, surtout sur des sites sur lesquels on est habitué d'aller. Chose intéressante également, c'est que tu peux arranger tes publicités pour détecter, si on veut, la région sectée. Parce que moi, ben souvent, je vais sur des sites américains, c'est des pubs québécoises qui retournent. Ça dit, il y a telle fille à Gros-Saint, à Trois-Rivières, tu sais, ouais, ça. Ouais, ben il y a ça, là, ouais. Mais d'autres sites plus mainstream qui passent des pubs, disons, comme des pubs de manger. On va pas les mêmes sites. Des choses comme ça. Non. Non, mais tout dépendant, justement, aussi de la fiabilité du site. C'est un site comme où pour télécharger des torrents, ouais, là, c'est sûr qu'il y a ça, tu sais, des genres de photos de Facebook de filles qui disent qu'ils sont à Trois-Rivières. Tu vois, je les bloque pas, ça. Ouais, mais c'est souvent les mêmes, de toute façon. Mais ça va être cute. Ouais. Tant que j'explique à ma blonde à chaque fois qu'on tombe sur ces pubs-là, que c'est pas des... pas... Ouais, ouais. Mais c'est, ça devient de plus en plus compliqué. C'est des pop-ups, c'est des pop-ups. Ouais, c'est ça. Bref, maintenant, Skype est disponible sur iPad depuis cette semaine. Skypad, effectivement. Skype qui maintenant appartient plutôt à... Microsoft, c'est... Oui, ça a iPad, changé de main. Ouais. Ouais. Tu savais que Bill Gates, tu peux pas rentrer chez eux avec un iPhone ou un iPad. Hein? C'est... Il tire. Ben, il veut rien savoir. Il permet pas aux gens qui sont propriétaires de ces téléphones-là d'entrer chez lui. C'est un beau dictateur, ça. Ouais. Moi, je dirais, ben, donne-moi un Windows un Zoom. Phone, quelque chose. Donne-moi un Zoom. Donne-moi un Zoom, le temps, je suis chez vous, mais je vais le laisser en partant parce que j'aime mieux mon iPod. C'est bref, ça, c'est... à chacun ses goûts. en fait, voilà. Il aime mieux son iPhone, pas iPhone, Windows Phone 7, qui est vraiment pas beau. Non. Mais bref, Skype lance une application spécialement développée pour l'iPad dans le App Store d'Apple. C'est maintenant disponible. Et c'est, en fait, le format d'affichage est VGA à 15 images par seconde, ce qui est quand même bien. Normalement, on dit que pour, disons, faire les dessins animés et tout, je pense que c'est 30 images par seconde, quelque chose genre. Puis l'émission de sport avec Yvan Ponton aussi. Oui, c'est vrai, ça fait comme ça. Hein? L'application permet l'émission et la réception d'appels Skype, tout dépendant Wi-Fi ou en 3G, et la visioconférence, donc comme je disais, en format VGA. Twitter est également sur le développement d'une application web spéciale pour l'iPad, ça va être une version HTML5, donc de Twitter.com, qui est déjà disponible, j'imagine, si on est aux États-Unis, puisque YouTube aussi, de plus en plus HTML5, ouais. YouTube.us. Tant mieux, hein? Ouais. Ben, au début, moi, je croyais qu'HTML5, ça allait être de la grosse chenoute parce que le vieux Flash et tout ça, les vieux sites qui ont des vidéos en Flash prendraient pas nécessairement le temps de tout convertir, mais c'est vrai que l'HTML5, c'est beaucoup mieux. J'aimerais m'excuser parce que j'en avais parlé en ondes l'année passée. Donc, je m'excuse, HTML5. Voilà, c'est accepté, j'espère. Oui, j'espère. On lui demandera, on fera une entrevue. On va l'appeler, attention. Maintenant, petite nouvelle insolite, en fait, pourrait être la dernière de la journée. On peut suivre les funérailles d'un proche sur Internet maintenant. Ah! Eh oui! C'est le crématorium de Narbret, une petite ville du Pays de Galles dans l'ouest de la Grande-Bretagne, qui offre la possibilité d'assister aux funérailles d'un proche en direct sur Internet. C'est génial. Ils disent en fait qu'ils ont introduit un service en option pour les membres de la famille ou du défunt qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas en mesure d'assister aux obsèques. Donc, c'est disponible là-bas. Je ne sais pas si ça va être là. Et vous pouvez aussi avoir un DVD de la crémation. Ah! Disponible. Non! Ben oui. Tu vas regarder ça maintes et maintes fois. Ah. Sur retour au début du chapitre. Non, mais généralement, la crémation, c'est pas quand ils brûlent la personne. J'ai comme pas le goût de voir ça. Ben, c'est un peu ça, ouais. Non. Ben, à moins que t'aies un commentaire du réalisateur puis différents angles de caméra. Ouais, mais encore, là. Non, je serais pas prêt à ça. Ouais. Est-ce que t'as vu aussi, je disais sur Internet, des pierres tombales avec des codes QR dessus pour voir sur ton iPhone le petit texte dans le journal puis une photo de la personne quand tu passes devant? C'est intéressant, mais sur une pierre tombale, le problème, c'est que ces codes-là risquent d'être réduits. C'est-à-dire que c'est quand même assez gros, c'est quand même assez laid. Il y a différentes grandeurs. Oui, il y a différentes grandeurs, c'est vrai. Mais c'est là pour un long bout. Donc, j'espère qu'ils ont peut-être pensé à changer éventuellement ce code-là pour un plus petit ou quelque chose comme ça. Et c'est chiant, justement, quand on n'a pas de téléphone intelligent, parce qu'on peut pas les voir, ces fameux codes-là. C'est de plus en plus intégré dans les journaux, même dans les magazines, dans les publicités. Vous pouvez avoir des publicités ou des bonus ou peu importe dans le Parti libéral avait ça, ces pancartes. Oui, c'est vrai, exactement. Et ça amenait d'ailleurs vers un site pornographique. Pour un de ces sites-là, ouais, oui, ouais. Tout à fait. C'est intéressant quand même, comme technologie, c'est juste plate quand on a votre téléphone intelligent de ne pas pouvoir le voir. Ouais. Il faudrait qu'ils fassent comme dans un Apple Store, avoir des iPads et des petites vitres par-dessus à chaque pierre tombale. Quand tu vois Apple Store, tu peux choisir. Je suis sûr que ça va venir, ça. Sûrement. Éventuellement. Ouais. J'ai hâte. La vie est belle. Et qu'on est à une bonne époque. T'sais. Ouais. Les jeunes sont chanceux d'être nés à cette époque-là. Là. Moi, dans mon temps, c'était pas de même. Hey, j'ai fait, on sort des nouvelles. En fait, j'ai acheté mon premier livre électronique cette semaine. Ah! Ouais, un livre que j'ai allé pour l'école qui était disponible en version Kindle. Et chose très, très intéressante, sur un Mac, c'est qu'on a la version Kindle for Mac. Mm-hmm. Donc, on peut lire un livre sur un Mac. Et, mais pas un livre d'Apple dans le iBook Store. Non, ça, c'est complètement stupide. Sûrement cet automne. J'espère, ouais. On pourra en reparler de ça. Mais la version Kindle est quand même assez intéressante. On n'a pas le geste de la page qui tourne et tout ça, mais c'est pas plus grave que ça. C'est quand même intéressant. La définition est très bonne. On peut ajuster aussi la grosseur de la page comme on veut. Et j'ai comparé parce que j'ai le livre que j'avais emprunté à la bibliothèque en même temps et j'ai fait de la comparaison et j'aime mieux lire sur mon écran que lire sur un livre. C'est la première fois de ma vie que j'aime mieux lire sur l'écran. OK. Donc, ouais. Et iBook qui serait disponible cet automne? Les rumeurs. Ouais, mais ça fait un an et demi, je pense, que ces rumeurs-là sont parties. Mais justement, c'est ça le but d'une rumeur. À un moment donné, tu vas avoir raison. T'sais. Ouais, mais ça sert. En même temps, est-ce que ça sert à quelque chose d'emmener iBooks sur le Mac? Parce que c'est donc quelque chose qui fait que les gens vont acheter un iPad aussi. Hein. Quasiment, quand je l'ai essayé en magasin, le iBooks, je l'avais jamais essayé. J'ai essayé ce printemps et j'ai vraiment aimé le geste de tourner les pages et tout. C'est le nouveau en plus, le iPad 2 est quand même assez léger, donc pour lire, c'est intéressant. Il y a toute cette question de la fenêtre et de l'image qui pourrait tomber sur... c'est-à-dire pour l'image, mais la lumière qui s'en va dans l'écran, donc qui pourrait être un peu plat pour la lecture, mais quand même, c'est intéressant et ça serait donc enlever un avantage d'iPad si on le rendrait disponible sur le Mac. Ça serait très, très cool, mais en même temps, justement, on a des options comme Kindle qui est là ou tout simplement lire un PDF. Mmh. Est-ce que le Bookstore en tant que tel est disponible sur Mac? Même pas. Hein? Tu peux même pas aller acheter des livres. Ce serait le seul, je trouve, avantage, pouvoir acheter des livres sur le Bookstore. Tu peux acheter des livres par iTunes, mais bien souvent, ça va être des livres qui sont des livres audio qu'on peut écouter sur un iPod. Tu peux aussi acheter des livres par iTunes aussi, sauf qu'il faut avoir un iPod, c'est-à-dire un iPod Touch ou un iPhone ou un iPad pour pouvoir les lire. D'accord. Donc, j'ai essayé de télécharger un livre sur iTunes pour mon ordinateur et rien voulu savoir. Mm-hmm. C'est un peu dommage. Dommage, en effet. Il n'y a personne aussi qui a développé une application, c'est-à-dire c'est ce que j'allais dire. Quelque chose de parallèle qui pourrait lire ces livres-là. Mm-hmm. Non, ça fonctionne pas. Un gratuit ciel, quelque chose. Sinon, je termine ça avec une petite nouvelle insolite, moi aussi. Tu connais la mode du planking? Oui. Tu te mets à plat sur la tête. Il y a quelqu'un qui travaille chez GameStop qui a été renvoyé non, de son magasin. Parce qu'il y a planqué. Il y a planqué entre deux colonnes de jeux vidéo dans son magasin. Ben voyons donc. C'est quelque chose, hein. GameStop, donc, il a renvoyé John Mazzocchi et le collègue de travail qui a pris la photo parce qu'ils ont fait du planking entre deux kiosques de jeux vidéo. Ils ont posté l'image sur Twitter. Très mauvaise publicité pour GameStop, évidemment, parce qu'à un moment donné, bon, pourquoi tu sacs quelqu'un dehors pour ça? Ben, c'est ça. Moi, je trouve, j'aimerais ça aller là s'il y a des gars qui font du planking. Et en plus, ben, je peux comprendre que c'est un risque aussi pour les assurances, là, parce que si. Ça peut être dangereux. Donc, les traitements au dos. Mm-hmm. Mais il aurait pu faire du hauling à la place. Non, c'est quoi celle-là? Le hauling, c'est quand tu tiens comme un hibou sur un. C'est-à-dire un coin de sofa, quelque chose du genre, okay. Sur une clôture. Ou, c'est ce qui est devenu à la mode. Et il y a des gens qui planquent maintenant à la verticale dans les toilettes. Ils se rentrent la tête dans le bas de la toilette et se tiennent au vertical. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. T'as vu la vidéo de Funny or Die qui sont contre le planking et non, ils, j'ai ils pas disent vu ça. Faites juste, mettez-vous debout dans une file droite. Puis là, tu vois genre des photos de gens qui sont dans une c'est du planking à la verticale inversée. C'est ça. Ouais, exactement. C'est intéressant. Funny How Die aussi, j'ai vu une vidéo très, très cool. C'est est-ce que tu es un fan de Jersey Shore, Mathieu? Vraiment pas, non? quand même, pour les gens qui trouvent ça, pas nécessairement, qui aiment Jersey Shore, mais qui connaissent le phénomène et qui l'aiment ou pas, vous pouvez aller sur Funny How Die. Ils ont fait une vidéo. En fait, il y a trois personnes de ce... Il y a le fameux Situation, ben oui. Avec le fameux six-pack. Les abdominaux. Comme une montagne de gel dans les cheveux. Et Snooki, la bébite. La petite mauve orange. Ouais, c'est ça. Ben, ils sont tous oranges. Ouais. Et c'est très drôle parce que, en fait, vous irez voir la vidéo, mais c'est comme si Jersey Shore était, dans le fond, un scénario. C'est comme si c'était scénarisé d'un bout à l'autre. Oui, que c'était des acteurs. C'est très intéressant. J'aime ça. Il y a aussi John C. Reilly et Will Ferrell qui ont fait une... ils ont réinventé, en fait, la vidéo de David Bowie et Bing Crosby qui chantent Peace on Earth, qui est une chanson de Noël, et ils l'ont fait vraiment image pour image, pareil. Ça vaut vraiment la peine de le voir. Okay. Sur Funny or Die, je pense que ça fait un an que c'est là, par contre. Je l'ai juste découvert il n'y a pas longtemps. John C. Reilly est tellement un des gars les plus drôles que je connaisse, et Will Ferrell un des moins drôles, à mon avis. Tu sais, je comprends pas comment ils font Will Ferrell. J'aime pas ta... Mais là-dessus, c'est quand même assez bien. Il faut vraiment regarder aussi la vidéo originale pour saisir vraiment à quel point c'est pareil. Dernière chose, on parlait de planking, hauling. Si vous voulez voir ça, ben, je rappelle le site 9gag.com qui est un time waster vraiment plaisant. Vous avez plein de photos de ça, de gens qui plankent. Il y a aussi la mode de prendre des photos lorsque les gens se lancent à l'eau, c'est-à-dire comme s'ils étaient couchés sur le côté et qu'ils tombent dans la piscine. Ça aussi, c'est une mode un peu agaçante puisque tout le monde le fait. Ça me passe par-dessus la tête pas mal. J'aime ça. C'est le fun, les petites modes comme ça. Je trouve que ça passe le temps comme ça. Ouais. Et pour terminer, vraiment, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on va terminer, Blue Bolt, compagnie d'effets spéciaux qui ont été nominés au Emmy pour la première saison de Game of Thrones. Je sais pas si tu as vu la vidéo sur Internet, tu vois les effets spéciaux qui ont été rajoutés par-dessus les scènes. Non, j'ai pas vu. Ils ont vraiment beaucoup de talent. C'est un peu comme la vidéo qui avait été publiée il y a quelques mois d'une autre compagnie qui faisait la même affaire où des tournages de scènes étaient tournés devant des écrans verts dans une fausse rue. Et puis après ça, ils venaient rajouter par-dessus, par ordinateur, derrière les. C'est super, super bien fait. Là. Ils prennent vraiment genre une place qui n'a aucun rapport pour filmer leur scène. Puis là, on voit ça rajouté sur l'image dans la vidéo. C'est vraiment bien fait. Allez voir ça. Comme dans Star Wars. Hein? Ouais, genre, c'est ça. Mais vraiment pas beaucoup de budget pour Game of Thrones. Ouais, non, c'est sûr que... Hein. C'est beaucoup pour pas beaucoup d'argent, disons. Bref, là, j'écoute ça. C'est l'affaire de médiéval. Je sais même pas. Juste la vidéo qui m'a intéressé. La série en tant que telle, c'est pas mon genre. Mm-hmm. Moi non plus, c'est ça le problème. Ouais, mais on a tous des genres différents. Ouais, oui. C'est de même, comme dans la musique, ça. Ouais, effectivement. Hein, on est-tu profond aujourd'hui, on n'est pas profond? Oh, que oui. T'as une planche, planking. Incroyable. On prend du planking dans le studio, est-ce qu'on a de la place entre deux? Si on prend le coin de la table, peut-être, ouais. OK, on fera du hauling aussi. Hauling? Hauling. Merci Simon pour ta chronique Le Scoot des Internets. Merci de m'avoir reçu. On te retrouve la semaine prochaine. Oh oui. Et on se quitte avec une pièce musicale que t'as choisie. Yes, c'est la pièce Peeble de Secret City. Secret City? Secret City. Au 89.fm, c'est la vie de croisière à l'assemblage requis. Oh, les petits pit-pits. Mm-hmm. Il y a des pit-pits. Mm-hmm. J'aime ça, les pit-pits. Smashed up your car and love. La formation Secret Cities et la pièce Pebbles sur leur album Strange Hearts dans la vie de croisière d'assemblage requis. C'est la fin de cette, je crois, deuxième heure, oui, c'est ça, de l'émission. On se retrouve tantôt avec une troisième heure et là-dedans, il va y avoir une autre chronique, c'est un fait, un autre poste d'écoute et plus tard dans l'émission aussi. La chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Ah, ça, j'ai très, très hâte de vous partager des solutions à des problèmes que vous n'avez pas nécessairement. Tout ça, plus le reste du palmarès francophone. On va être rendu tout à l'heure à, entre autres, Antoine Corriveau, Malajub, Gatineau, Martin Léon et Tracteur Jack. Alors, restez avec nous sur C'est fou. C'est fou pour l'écouter. 89.1. Troisième heure de la vie de croisière d'assemblage requis en direct dans ce jeudi 4 août 2011. Moi, c'est Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret est en congé cette semaine, mais va être de retour la semaine prochaine. Tantôt, on avait Simon Fédibé dans sa chronique Le Secours des Internets et j'ai oublié à la fin de sa chronique de faire toutes ses plugs. Dommage quand même. N'oubliez pas d'écouter ce soir, jeudi, toujours à 21h, c'est l'émission Un genre de bleu et ça, ça rejoue le samedi à 19h. Vous pouvez aussi le retrouver à l'émission Album Classique les vendredis matins à 10h et ça rejoue les... de nous avec les reprises aujourd'hui, moi. Ça rejoue quand, ça? En tout cas, le mardi à midi. Et puis, il est dans Rock Classique, mais bientôt, Alain Lefebvre va être en vacances. Je sais pas si c'est à partir de demain ou l'autre semaine après, mais il n'y aura pas de chronique dans l'émission Rock Classique pour un petit bout jusqu'à l'automne. Mais écoutez quand même Rock Classique les vendredis après-midi. Matin, si on veut. Matin, après-midi et début de soirée. Entre 11h et 17h. Voilà pour les plugs. C'est fait. On va retourner au palmarès francophone un petit peu. Ça fait longtemps qu'on l'a délaissé avec nos chroniques et nos choses divertissantes. Tantôt, il y aura Gatineau avec Dirk Diggler. Ça monte de deux places, mais on débute avec Antoine Corriveau qui monte de deux places aussi. Voici l'uniforme. Sur C'est fou, 89.1 FM. Uniforme, hein, de notre ami Antoine Corriveau. Trifluvien d'origine, en tout cas, mauricien. Comment t'as bien? Non. Est-ce que j'ai l'air de patiner parce que j'ai pas mis le CD? Ça peut avoir l'air de ça, j'avoue, mais c'est complètement faux. Complètement. Comme une cheminée, elle est dehors devant la porte. Elle parle et elle s'écoute parler, et puis c'est dans l'air de l'époque. Hier on s'en souvient encore de ses belles larmes pleines d'espoir. Dans ses yeux un peu ravagés, maquillés plus que pas assez. On aurait dit une grande actrice sur son déclin. Qui nous repasse son vieux disque, la gloire, le fils et le destin. Il est parti comme un guerrier, la tête haute remplie d'espoir. Et maman a tellement pleuré, marcher droit c'était beau à voir. C'était par un joli dimanche, le printemps était en avance. Et les lilas déjà en fleurs pour savourer notre bonheur. Il avait mal pour l'occasion, enfilé son bel uniforme dans mes yeux. Mon petit garçon était enfin devenu un homme. J'entends encore sa voix tragique entre deux cannes de tout bien grasse. Raconter son moment magique et embrailler la grande tasse. Le moment, l'émotion parfaite et les conversations surfaites. Il nous rapportera des médailles, les fruits de tuerie de bétail. Jamais trouvé. J'ai tous ces gens dans toutes ces voies qui ne l'ont jamais intéressé. Elle cherche un peu de réconfort pour se convaincre qu'elle a raison. D'accuser les autres des torts du nouvel homme de la maison. Can be pris à la place du cerveau, soit parti pour sauver nos peaux, qu'il n'est pas l'unique carburant de cette bombe à retardement. Dans 2 ans ou 3, le vénard pourrira au fond d'une tranchée, 17 balles logées dans le corps et dévorées par les cafards. On vous enverra des soldats messagers qui paieront notre dette. Devant la tombe où tu n'es pas, maman fumera sa cigarette. En permission, ils sont finis, ils brisent tout ce qu'on leur apporte. Parce qu'ils en ont vraiment envie pour obtenir la meilleure note. Tu crois qu'il aime ce qu'il devient parce qu'il reste droit dans les rangs. Tu crois vraiment qu'on en revient pour retrouver sa chambre d'enfant. Tu crois qu'il sera général parce qu'il te cache ce qui fait mal. Parce qu'ils en ont pour des années avant de pouvoir reparler. Rappelle-toi de la dernière fois où tu as entendu ta voix. Où tu as eu peur pour quelqu'un, était-ce vraiment si important? Plus beau encore que les colombes. Le tranquille sifflement des bombes restera juste dans ta tête, même quand tu voudras qu'il arrête. Numéro 7. Bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, trop vite, bouge, bouge, bouge. Gatineau et Doc Diggler, position numéro 7 francophone, ça monte de 2 places. Et avant, c'était Antoine Corriveau avec l'uniforme qui monte aussi de 2 places. On va entendre une autre pièce du palmarès francophone tout de suite, la 6e position. Martin Léon avec le Chac à Choc qui monte d'une place. Et juste après, on fera un autre poste d'écoute. Ah oui. C'était la vie de croisière d'assemblage requis. Ça, c'est fou. C'est souffrant. Il reste juste 1h45 à me supporter. Pas si pire. Tu cognes, le quartier tout, c'est King Kong. Tu sautes par-dessus, tu rentres, c'est 1000 piastres. Y'a rien autour, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Tu joues ta belle fleur, ta poésie dedans sa face. Tu le remercies, c'est important d'être poli. Tu prends le corridor, celui qui t'amène dehors d'abord. Là tu vas voir des tentes, t'arrêtes pas, tu passes à la salle suivante. Je m'occupe du reste. Hey, le chicken, tu te chauffes, ça te choque. Fait que j'ai... C'est pas chic chic, mais chaque chien, hey, chaque à chaque. Hey, the chicken, petit chou, c'est un choc. Fact check, c'est pas chic chic, mais chaque chien, hey, chaque à chaque. Et cette très belle poésie que voici. Deuxième étape, arrivé de l'autre bord, y'a une jolie fille qui chante. Prends 2 secondes, écoute ça, c'est l'air de détente. Apprécie sa beauté, fais-en pas ton amante. Dans sa voix, y'a une clé, dans son amène de l'ail. Tu prends juste la clé, puis tu fly. T'es au deuxième salon, salon de l'invisible. Tu viens de faire 1000 coupons, puis tu marches vers la cible. Touche à rien, improvise, sors un poème ou deux. C'est devenu ça la devise, y'a rien que tu peux faire de mieux. Je m'occupe du reste. C'est pas chic chic, mais chaque chien, oui, chaque à chaque. Hey, the chicken, petit chou, c'est un choc. Fact check, c'est pas chic chic, mais chaque chien, oui, chaque à chaque. Et cette très belle poésie que voici. Dernière étape, showtime. Tu te retrouves nulle part, mais détendu, souliers chaînés, bouquet, tout ça. Là, tu vas entendre la musique. Suis-la. Va d'où elle vient. Sur la route, il y a quelqu'un qui va te lire une recette de tarte aux pacanes. Écoute-la, ça vaut la peine. Quand t'arrives devant une grande porte de métal, sors le cash. Paye l'entrée, t'es rendu. Te v'là en enfer. Si c'est sold out, tu bouges pas, t'attends. Des fois, ça peut être long. Le crapaud à l'entrée, tu y offres tes dents et ta dernière poésie. Faut qu'il t'en reste quelques-unes rendues là si t'es tout seul. Pense-y en cours de route quand tu te casses la gueule. Je m'occupe du reste. c'est pas chic chic, mais chaque chien, oui, chaque action. Hey, le chicken, du Joe, ça choque. Fact check, c'est pas chic chic, mais chaque chien, oui, chaque action. Hey, le chicken, du Joe, ça choque. Fact check, c'est pas chic chic, mais chaque chien. Chick shit, shack shit, hey, shack out your. Hey, the chicken, to Joe, to Joe, Sacha, Sacha, the chicken. Le shack à choc. Chaque fois. Chaque fois. Voici. Toutes les semaines. Je fais tout le temps ça, je parle tout le temps par le je m'en rappelle jamais. Martin Léon sur l'album Les Atomes, le Shack à Chuck, ça monte d'une place, sixième semaine de présence, et un jour peut-être, après 12 semaines, peut-être que je vais me rappeler qu'il y a une fin à cette pièce-là. Maintenant, avant de continuer avec le top 5, hein, il nous reste encore 1h40 à l'émission, donc on va s'étirer un petit peu ce palmarès-là. Voici un autre poste d'écoute. Le poste d'écoute d'Assemblage Rocky, c'est évidemment le segment d'émission où on écoute une nouveauté dans la discothèque de C'est Fou, ça depuis les derniers jours, les dernières semaines, les derniers temps, du nouveau stock, nouveau matériel, comme on pourrait dire. Tantôt, plutôt dans l'émission, on écoutait Library Voices et j'avais adoré ça. Et là, j'ai une chose qui m'intrigue, contrairement à Library Voices que j'avais déjà entendu dans le passé. Celui-là, je les ai jamais entendus, c'est Sexy Mathematics. Et je trouve le nom vraiment génial, Sexy Mathematics. On entend donc les trois premières pièces de l'album, plus l'intro. Donc, ça va faire, dans le fond, 3 pièces et quart environ. On va entendre tantôt les pièces Future Nights et Solution, mais commençons avec Who Knows, en parenthèse, Intro, et la pièce qui suit, juste Intro. Hein? C'est dans le poste d'écoute d'Assemblage requis sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Et voici ça à l'instant. Ah oui. Ça a l'air bon. J'ai écouté un petit peu, ça a l'air bon. Ça a l'air très bon. Ouais. Thank you. poste d'écoute. Trois premières pièces du premier album de la formation Sexy Mathematics, ça c'était Solution, avant Future Nights, et au début c'était Who Knows, et l'intro qui s'appelle Who Knows en parenthèse intro, hein, n'est-ce pas? Donc parlons un petit peu de Sexy Mathematics, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, je trouve que c'est très très très très bon. Sexymathematics.com est leur site web où on apprend que l'album est sorti il y a quelques jours à peine, le 1er août, hein? On apprend aussi sur leur MySpace, sur myspace.com/sexymathematics, qui se sont formés à l'automne 2008. Ils mettent des couches de guitare qui rappellent, selon eux-mêmes, The Smashing Pumpkins, leur début, en tout cas, à Smashing Pumpkins, pas à Sexy Mathematics. Ça ressemble à la musique de Of Montreal et de Cut Copy, selon eux-mêmes, encore une fois. C'est leur premier album complet, et vous pouvez les retrouver aussi sur Facebook, au facebook.com/sexymathematics, et sur Twitter, c'est la même chose, twitter.com/sexymathematics. Les liens sont sur assemblagerequis.com, et leur nouvel album, encore une fois, s'appelle Future Nights. Voilà pour le poste d'écoute d'assemblage requis. N'est-ce pas que c'était bon, ça? Je crois que oui. Plus tard dans l'émission, on va avoir une autre chronique, c'est un fait, ça s'en vient dans quelques minutes à peine. On va aussi continuer le palmarès francophone, mais pour l'instant, on prend une petite pause et on revient juste après. Restez là. Vous êtes assez fous pour l'écouter. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at 89. Working with the recovery forces to see what can be done at this point. Vous êtes toujours à la vie de croisière, l'assemblage requis sur les ondes de Cifou 89 FM. Moi, c'est Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret est en congé, comme je vous le disais depuis le début de l'émission. Je suis tout seul et vous allez être mon public pendant une autre chronique. C'est un fait, grand-moi ça. Oui, je suis seul, donc vous allez faire les reaction shots, comme on appelle dans le domaine. C'est les reaction shots, c'est quand vous faites comme... ou oh, ben... C'est ça que ça va donner, ça va être super bon. Donc, commençons avec un premier fait. Dans cette chronique, c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Commençons par une année sur Vénus qui dure un petit peu plus de 224 jours terrestres. Donc, comment on compte les jours sur la Terre? C'est comment, tu sais, hein? Tourne soleil, non, non, non. Donc, une année sur Vénus, ça dure juste au-dessus de 224 jours sur Terre. Par contre, pour faire un tour complet sur son axe, donc pour faire une journée, comme je le disais et je l'expliquais de façon si convaincante tantôt, ça prend à Vénus 243 jours terrestres. Donc, la journée terrestre dure plus longtemps qu'une année terrestre. Par comparaison, c'est super intéressant. Malgré le fait qu'elle n'est pas la planète la plus près du Soleil, l'effet de serre sur Vénus lui donne la température de surface la plus élevée de toutes les planètes du système solaire. Et là, on parle de 460 degrés Celsius, la température sur la surface de Vénus, ce qui est assez pour faire fondre du plomb et du zinc, et même assez pour faire bouillir du mercure à 460 degrés Celsius. Alors, on parle de diamant maintenant, le Regent Diamond de 410 carats. A été amené illégalement en Europe par un esclave indien, d'accord, qui avait enterré ou mis son diamant Regent Diamond là, dans une blessure dans sa jambe. Donc, c'est fait lui-même une blessure à la jambe, a amené ce premier diamant Regent Diamond de 410 carats dans son corps. Il l'a ressorti là-bas, puis c'est ça, illégalement. C'est bien, hein? On parle de carats encore une fois. Un carat, c'est 0,007 once ou encore 200 mg, ce qui est à peu près le poids d'un petit pois. Un carat, c'est le poids d'un petit pois. Bon. Hein? Ça prend entre 4 et 8 heures pour scier un diamant d'un seul carat. Un carat, un diamant d'un carat entre 4 et 8 heures pour scier ça. Incroyable. En Grèce antique, les hommes... On change tellement de sujets, j'aurais dû dire. On change vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, complètement. Donc, en Grèce antique, c'est ça, les hommes coupaient leur testicule gauche parce qu'ils croyaient que c'était le testicule droit qui allait produire des fils au lieu des filles. Hein? Hein? Hein? Les croyances dans ce temps-là, les croyances. Toujours en termes de testicules ici. Le fondateur de Match.com, Gary Cremen. Match.com, qui est un site de matching, finalement, de dating, où on peut s'inscrire et rencontrer l'âme sœur, peut-être. Donc, Gary Cremen, le fondateur de Match.com, a perdu sa copine. D'accord? Quand sa copine l'a trompé avec un autre homme, via quoi vous pensez ironiquement? Match.com. Hein? Hein? Ça, c'est, ça fait mal. Ça fait mal. Le terme médical pour la chair de poule, c'est cutis anserina. Cutis anserina. Et avoir la chair de poule, on appelle ça l'horripilation. Hein? Horripilation, tu sais, quand on dit ça m'horripile. Ben, c'est ça, ça me donne la chair de poule. Bon. Prochain fait, toujours dans la chronique, c'est un fait. Hein? En Italie. C'est le chiffre 17 et non le chiffre 13 qui est considéré comme malchanceux. Tu sais, c'est pas vendredi 13, là-bas, c'est vendredi 17, peut-être, j'imagine. Je sais pas si on est vendredi là-bas. Hein? En Italie, en tout cas. Pour ceux qui se posaient la question, d'ailleurs... en fait, pas d'ailleurs, ça n'a aucun rapport. Pour ceux qui se posaient la question, il est possible de gagner aux échecs en seulement deux mouvements. Deux mouvements. Évidemment, il faut que la personne contre qui tu joues collabore un peu. Il y a une vidéo sur YouTube que j'ai mis d'ailleurs sur assemblagerequis.com, évidemment dans les notes, c'est un fait d'aujourd'hui, là, jeudi 4 août 2011. Donc, On peut gagner aux échecs en deux mouvements. Et là, je l'expliquerai pas au complet, mais ça, ça a rapport à prendre un pion, le faire avancer de deux pas d'un côté. L'autre côté, les noirs font aussi descendre un pion d'une certaine façon. Après ça, tu montes un autre pion blanc. Puis là, tu descends ta, ton roi, je crois. C'est le roi ou la reine, en ce cas. Puis là, ben, ça fait une belle petite diagonale entre le roi et la reine. Donc, c'est un échec et mat. C'est comme ça qu'on appelle ça. Difficile à décrire à la radio. Allez voir sur YouTube pour savoir. En fait, sur assemblagerequis.com et cliquez sur la page. Simple, hein? Bon. 2013, hein? Pourquoi pas? 2013 sera la première année à ne pas contenir des chiffres qui se répètent depuis 1987. D'accord? Parce que là, bon, on va compter un petit peu, d'accord? 2012, il y a 2-2. Hein? 2011, il y a 2-1. 2010, il y a 2-0. On pourrait continuer très très longtemps jusqu'en 1987. Pensez-y dans votre tête, et c'est vrai, jusqu'à 1987, il y avait tout le temps au moins deux chiffres qui étaient pareils dans l'année. C'est quelque chose, hein? Voilà. Donc 2013, première année à ne pas avoir de chiffres qui se répètent. Vous êtes toujours demandé, Colin, mais j'ai une manette de PlayStation, peu importe la génération, et je me suis toujours demandé pourquoi ces symboles-là étaient utilisés. Tu sais, le X, le rond, le carré, le triangle, ça sert à quoi, ça? Eh bien, chacun de ces symboles-là a une définition, a une raison d'être. Hein? Bon, pour commencer, on dit évidemment qu'on n'a pas choisi A, B, X, Y, parce que c'était plus facile à reconnaître des formes. Tu sais. Donc, Teiyu Goto, le designer original de la PlayStation, première du nom, il a dit que c'est la raison pour laquelle on a choisi des formes, pour que ce soit plus facile de s'en rappeler. Et là, il y a une petite citation qui est vraiment très intéressante. Je vous la lis et je cite. Le triangle représente le point de vue. Donc, le triangle représente la tête d'une personne et la direction dans laquelle cette personne-là fait face. Hein? Il a choisi la couleur verte pour représenter le triangle. Ensuite, le carré. Au début, j'étais en train de citer. Là, je fais juste des paraphrasages. Là. Donc, le carré représente un morceau de papier. Ça représente les menus ou les documents. Et il a choisi la couleur rose. Le cercle et le X représentent le oui et le non. Parce qu'en Asie, hein, en Asie, le rond veut dire oui. Accepté. C'est nous, on fait un crochet, mettons. Mais un rond, c'est oui. Hein? Est-ce qu'on fait des crochets pour dire oui en... Sûr. Et X veut dire non. Alors que là, aux États-Unis, comme vous le voyez en appuyant sur un bouton de manette, là, pour faire oui, c'est le X et le rond, le cercle, fait annuler. C'est comme le contraire, voilà. Donc, bref, le X et le rond, le cercle, représentent le non et le oui. Rouge et bleu, respectivement. Donc, rouge, c'est le oui et non, c'est le bleu. Hein? Et il a dû même s'expliquer à la compagnie parce que les gens de la compagnie trouvaient que c'était pas la bonne couleur. Il avait l'air inversé. Et justement, les PlayStation américaines ont inversé les choses, comme je le disais tantôt. La PS1, en arrivant aux États-Unis, ils ont changé le X pour dire « Enter » et le rond pour dire « Annuler ». Voilà. Donc, maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Ce que chacun des symboles veut dire. C'est peut-être pas si clair que ça, mais quand même. La première victime du Titanic, hein, le bateau Titanic, là, a été bateau de croisière, là, a été le dernier à recevoir une pierre tombale 100 ans plus tard. C'est vrai. Le corps de Samuel Scott, d'accord, a été enterré dans une place non inscrite dans le cimetière de Belfast City pendant plusieurs décennies. Donc, il n'était pas marqué c'était qui était là. Hein? Donc, seulement récemment, il y a eu une pierre tombale pour marquer où son corps est situé. Scott a la distinction d'être le premier à être mort sur le Titanic et, en fait, chose encore plus intéressante, il n'est pas mort à cause de l'accident. Il est mort avant l'accident, mais le même jour, là, d'une fracture du crâne en travaillant avant la collision contre l'iceberg. Hein? D'ailleurs, cette personne-là avait 15 ans, d'accord, 15 ans, jeune garçon. Récemment, il est devenu la vedette, par le fait même, d'un livre pour enfants. Spirit of the Titanic par Nicolas Pierce, qui raconte l'histoire de Samuel Scott, qui est dans le fond un fantôme dans ce conte-là, dans ce livre-là, et qui hante le bateau Titanic. Samuel Scott, voilà. Première personne à être décédée sur le Titanic. Le premier tweet de Google, donc sur Twitter, Google qui a tweeté sur Twitter, et je cite, et là ça va vraiment être une citation, là, « Je suis 011000110, espace 0. » Et là, je pourrais continuer très très longtemps, pendant genre 3 lignes ou 240 caractères environ. Donc, vous reconnaissez peut-être ce langage-là, c'est le langage binaire, je pense que tout le monde sait ça. Mais par contre, c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre le binaire et qu'est-ce que ça veut dire, quelle lettre ça veut dire. Donc, si on décode le message au complet, ça donne « I'm feeling lucky », donc « j'ai de la chance ». On se rappelle tous le bouton « j'ai de la chance » sur Google, ben c'est ce que Google a tweeté. C'est le bouton qui est à côté du bouton « rechercher » sur le site de Google. D'ailleurs, il y en a peut-être qui se sont déjà demandé premièrement, vous auriez peut-être pu l'essayer, hein? Mais ils sont peut-être demandés, qu'est-ce que c'est ce bouton-là, j'ai de la chance, hein? Bon, évidemment, on peut faire plein d'attrapes, il y a plein de choses qu'on peut taper, là. Je m'amuserai même pas à en trouver parce que j'ai aucune idée, comme ça, d'un coup sec, qu'est-ce qu'il y a, mais tu peux taper certains mots puis ça va donner des résultats drôles. Mais bref, le bouton, sa fonction principale, c'est de vous donner le résultat qui est le plus populaire sur Google par rapport à votre recherche. Donc, vous tapez assemblage requis, vous faites j'ai de la chance. Espérons-le. Espérons que ça va vous amener vers la page assemblage requis. On va essayer. Aïe. Ah, quand tu tapes sur Google, des fois, ça apparaît pas. Quand tu es connecté sur ton compte, ça t'amène directement à la page de recherche. C'est dommage, ça. Dommage. Mais bon. Bref, c'est ça. C'est le premier résultat le plus populaire, disons, sur Google, le bouton « J'ai de la chance ». Et un autre fait amusant là-dessus, amusant en guillemets, 1% de toutes les recherches sur Google utilisent le bouton « J'ai de la chance ». C'est quand même beaucoup 1% quand on pense au nombre de recherches qui sont faites. C'est un chiffre assez impressionnant. Mais en tant que tel, 1%, ça reste juste 1%. C'est pas tant que ça. Donc peut-être qu'à un moment donné, sur la page google.com, il n'y aura plus de bouton. J'ai de la chance. Tantôt, quand j'étais pas connecté sur mon compte Google, il y avait encore le bouton. Donc j'aurais pu le chercher tantôt à sondage requis. Et on termine avec un dernier petit fait. Un joli petit fait que je crois que vous allez aimer. Pourquoi? Parce que c'est un fait qui parle de dessin animé. Et si j'étais assez rapide sur le clavier, étant donné que je suis seul ici, que j'ai personne à qui parler pour remplir le temps, je pourrais même vous faire jouer la petite chanson. C'est celle de Peanuts. Et là, si je vous dis le mot Peanuts, vous avez sûrement aucune idée qu'est-ce que c'est. Peanuts, hein? Ça se peut, ça. Aucune idée qu'est-ce que Peanuts veut dire. Est-ce que je l'ai? Je l'ai pas. C'est le fun qui joue. C'est Charlie Brown. Charlie Brown! Ah, c'est quand même une version de la pièce, hein? Ben oui. Donc, Charles Schulz détestait le nom de sa célèbre bande dessinée parce qu'en anglais, la bande dessinée s'appelle pas Charlie Brown, ça s'appelle Peanuts. Littéralement, cacahuète. Donc, Charles avait publié sa première... Bon, il commence à parler par-dessus, c'est pas la fin. Donc, Peanuts, oui. Au début, Charles publiait sa bande dessinée une fois par semaine dans le St. Paul Pioneer Press sous le nom Little Folks, voilà. Malheureusement, ce titre-là a dû être retiré quand il a soumis ses bandes dessinées pour la syndication nationale. Donc, syndication, ça veut dire quand tu envoies tes bandes dessinées dans plusieurs journaux et là, les journaux peuvent se battre pour acheter les droits et puis diffuser ta bande dessinée. Par exemple, c'est Bébé Blues dans le Nouvelliste, pas tellement un trifluvien qui fait ça. Ça vient d'ailleurs. Bon. Bref, ils ont dû changer le nom. Ça, c'est United Feature Syndicate, ceux qui s'occupent de la syndication de ces bandes dessinées-là. Donc, ils devaient changer le nom pour Peanuts. En fait, ils devaient changer en général. Pourquoi? Parce que Little Folks, ça ressemblait trop à deux autres bandes dessinées. Je sais pas si c'était eux qui les syndiquaient ou d'autres compagnies, mais bref. Little Abner et Little Folks, donc Little, L-I-T-T-L-E, alors que lui, il l'appelait Little, L-I-L, Folks. Donc, le nouveau nom. Peanuts, ça vient de la Peanut Gallery, qui est un groupe de gens dans l'émission Howdy Doody. Hein? Peanut Gallery, donc Peanuts. Par rapport au titre, au nouveau titre de sa bande dessinée, Schultz a dit, et je cite, « C'est totalement ridicule, ça n'a aucun sens, ça veut rien dire, c'est confus et ça n'a aucune dignité. Et je crois que mon humeur a de la dignité. » Donc le gars n'était pas content. Pour essayer de changer le pire titre ever, comme il dit. Schultz a ensuite lui-même, dans ses bandes dessinées, là, il avait pas le choix d'utiliser le nom Peanuts, on s'entend qu'il pouvait pas juste marquer d'autres choses, hein? C'est une question de droit, là. Donc, il a écrit Peanuts, mettant en vedette Good Old Charlie Brown, featuring Good Old Charlie Brown, juste en dessous du mot Peanuts. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'en français, on appelle ça Charlie Brown, parce que c'était le nom écrit, entre autres, en dessous de Peanuts. Ou parce qu'en français, on prend juste le nom de personnage, même s'il n'y a pas rapport. Donc bref, Schultz a décidé de choisir ce nom-là et ça a été diffusé comme ça de novembre 1966 à janvier 1987. Voilà donc pour Peanuts et Charlie Brown dans la chronique C'est un fait. Alors, on a un petit peu de temps cette fin d'heure pour entendre une autre pièce du palmarès francophone. On va entendre Tracteur Jack avec Paris-Robert Val. C'est la position numéro 5. Ça descend de deux places. Et plus tard, on reviendra avec un petit résumé de ce qui s'en vient dans la quatrième heure. Vous êtes à la vie de croisière d'assemblage requis sur C'est Fou 89.1 FM. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi. Ma bouche goûte encore le vin que j'ai bu en Italie. J'ai cassé la gueule à un Américain devant la fontaine de Trévi. Le contrôleur me surveille, l'air un peu surpris. Il semble bien armé, il est fier dans son habit. Ce doit être sa mère qui fait ses pantalons. On arrive à Paris. Pour impressionner les gens. s'adresser à tout, il ne s'adresse à rien. Paris, les yeux plus belles sur les cartes postales, que je recevrai chez moi à Robertval. Dans un bistrot sur l'avenue La Motte Piquet, je commande un café avec du sucre et puis de lait. Le serveur me dévisage et me demande de répéter en français. Je renverse son plateau et je lui dis très calmement de finir sa Marlboro et de m'écouter attentivement. Je veux la café, s'il vous plaît. Sur les cartes postales, que je recevrai chez moi à Robertval. Le Louvre est une collection de bibelots, les Tuileries un jardin pourri. Versailles n'est qu'un vieux château, le Sacré-Cœur un temps fini. L'Arc de Triomphe traîne dans la rue. Je suis déçu par Paris. Paris-Robertval de Tractor Jack sur leur maxi Paris-Robertval, donc position numéro 5, ça descend de 2 places. C'est la fin de la troisième et avant-dernière heure de la vie de croisière d'assemblage requis. Il y en a une quatrième et dernière, donc qui s'en vient tout à l'heure. Et là-dedans, il va y avoir entre autres, la chronique ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Hein? La chronique où on répond à des questions ou à des problèmes de votre vie que vous avez peut-être pas nécessairement. Les gadgets inutiles, si on veut. Ça existe, mais ça devrait pas, c'est dans la quatrième et dernière heure. Et il y aura aussi le top 4 du palmarès francophone, entre autres les Breastfeeders, RA1, Kid Sentiment et Galaxy. Alors restez avec nous, vous êtes assez fous! De la vie de croisière d'Assemblage Requis, votre émission estivale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante et évidemment, Marie-Pierre Laforge-Bourret est en congé cette semaine. On va être de retour la semaine prochaine et enfin, je vais avoir quelqu'un à qui faire mes blagues de blagues pas bonnes. Je vais dire quelque chose de pire que ça. Et d'ailleurs, ma co-animatrice va pouvoir m'arrêter quand je vais arriver pour dire des choses ridicules à la radio comme ça. Voyons donc. Tu parles d'une affaire, toi, parler de même à la radio? Il nous reste seulement les positions 4 à 1 dans le palmarès francophone et une heure pour le faire. Donc, on va étirer un petit peu ça avec, entre autres, une excellente chronique. Hein? Excellente, pas juste parce que c'est moi qui l'ai fait, là, mais surtout à cause du contenu qui n'est pas fait par moi. Donc, est bon. Hein? Ça existe, mais ça devrait pas se sentir bien tout à l'heure dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, les Breastfeeders avec la fille dans la vitrine, précédée de RA1 en quatrième position. Ça monte de la 19e place. Voici le roi. J'essaie de calculer 19 à 4. Ça fait quoi ça? 15 places. genre. Thank you. la vitrine. Les Breastfeeders et la fille dans la vitrine en position numéro 3, francophone, ça monte de 3 places et c'est sur l'album Dans la gueule des jours. Avant de faire la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Là. Qu'est-ce que vous en... Qu'est-ce que t'en penses? Toi, la maison, là, le gars ou la fille, là? On va se faire un petit bloc anglophone, pourquoi pas? Hein? On commence avec les Beastie Boys et une pièce qui s'appelle Make Some Noise. Sur C'est fou, 89 FM. Moi, je pense une bonne idée. Mais vous m'en reviendrez là-dessus plus tard, puis vous... Ben, trop tard. Yes, we need this. The best is yet to come in. Yes, believe this. Let go my echo while I flex my ego. Sip on Prosecco, dressed up in tuxedo. Sip a coffee playing Keno in the casino. Want a lucky number? Ask my mon aile, c'est moi. J'aime driver des cars, c'est quoi si tu crois? J'suis un gars, mais quand j'bats des chats, j'pleure pour la âme, parce que j'suis gay comme ça. J'ai une sensibilité, well, ma élevée. J'care about this stuff, so I guess j'suis gay. J'ai une collection de bop, pis j'aime des parcs à flair. Comment j'me rends des lots? J'ai suivi mon cœur, so guess what? So du jazz à tous les jours quand j'suis prêt de cooker. J'aime des chandelles, pis des lights à des mains. J'suis into des lavages, pis shiny mes souliers. J'pense que j'suis de même, parce que moi-même m'a élevé. So, tu dis que j'suis sassy, j'me trouve plutôt classy. Comme to Wong Fu, merci beaucoup, Julie Newmar. Full bar, si c'est ça qui me faut. J'suis un ignorant prick, c'est ma mère de faux. C'est pas ton attitude, c'est mes habitudes. C'est ma collection de souliers, c'est mes habitudes. Metro, retro, sexuel. Hairdresser, j'ai y'a ping dans mon dresser. J'sais pas où j'vais faire avec. So, conjointement obligé. À cause avec ma blonde, I guess j'peux dire j'suis gay. Guess what on est, guess what on quand est. Quand j'watch un movie, y'a une bonne chance, j'vais brailler. Mes boys buy des Kleenex pour me consoler. T'as vu la way que j'danse, la way que mes hanchway. J'ai checké l'dictionnaire, ça veut dire que j'suis gay. Y'a plus de pression, de maman, plus des questions. Ma première impression de ceci, c'est guess what on est, guess what on est, guess what on est, guess what on est. C'est ma pick-up line. Elle est sur une date, tu peux dire je suis blind. J'ai trouvé quelque chose sur le party line. So, Trends America, j'espère que post-op. Des joueurs freaky dicky, j'ai des joueurs dans la chasse. Des joueurs dans la chasse. Des joueurs dans la chasse. Tout le monde ensemble célébré. Tout le monde ensemble célébré. Tout le monde ensemble célébré. Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Guess what? I guess qu'on est gay. Radio, radio, ouais. Ok, oui, la pièce Guess What dans la vie de croisière d'assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Vous me direz peut-être que j'avais l'air trop excité pour la musique qui est plate, t'as vu, hein? Donc, la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a, c'est celle où je vous présente des solutions à des problèmes que vous avez pas nécessairement. Tu sais, des fois dans la vie, on se dit, mais Colin, là, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour venir pallier cette situation, parce qu'il faut pas dire palier A, il faut dire juste palier 7, je suis pas sûr que ça... Bref, commençons avec une calculatrice qui fausse. C'est vrai, c'est disponible pour tous dans le grand public, nous dit Branchez-vous Gadget. On sait pas quel procédé ça utilise pour faire ça, mais c'est une calculatrice qui a toujours tort. Hein? Est-ce qu'elle ajoute un nombre aléatoire au vrai résultat? Est-ce qu'elle fait preuve de plus de jugeote que ça pour tromper la vigilance de son utilisateur, nous demande-t-on? Mais toujours est-il que le calcul est toujours 100% faux. À tous les coups, c'est garanti. Voilà, c'est environ 8$ via le lien sur assemblagerequis.com. un petit peu plus utile, un petit peu plus. Tu sais, on monte la barre d'un petit cran, là. C'est des chaussures climatisées de la marque Hydrotech. Hein? Semble-t-il que les semelles de chaussures Hydrotech sont dotées de filtres de haute technologie qui permettent de chasser l'humidité et la chaleur tout en gardant les pieds bien au frais. Et ça, sans avoir à porter des sandales ou des Crocs. C'est vrai. C'est donc des godasses climatisées, nous dit-on. Pratique quand il fait très chaud. Hein, évidemment. Et ça nous dit que c'est pas disponible en modèle pour femmes. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes, quand elles vont travailler, portent des souliers où les pieds sont à l'air. Eh bien. Ah, j'adore celui-là. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais acheter si c'était pas aussi cher. Je vous donnerai le prix à la fin, tiens, pourquoi pas. C'est des Ninja Pins. Et là, vous dites, mais Mathieu Plante, qu'est-ce qu'une Ninja Pin? Ben voilà, la réponse est la suivante. Normalement, tu sais, des pins, vous savez ce que c'est, des punaises, on met ça dans un mur, n'importe quoi, ça fait des trous, tu sais, ça fait des trous. C'est pas beau des trous de pins dans un mur, on le sait tous. À un moment donné, quand tu pars de ton appartement, de ton loft, n'importe quoi, il faut que tu bouches les trous parce que des fois, ton propriétaire peut te charger à la pin. Et ben ici, à la place de Ninja Pin, ce que c'est une punaise, tout ce qu'il y a de plus standard visuellement, là, avec un petit bout un petit peu plus cylindrique que la normale, peut-être un petit peu plus joli sur le mur. Mais à la place d'avoir un bout de métal ou peu importe ce que c'est, très très rond et avec un bout piquant, à la place, le bout est tout aussi piquant, mais le reste est en forme de L. Donc ça va faire un joli petit trou en forme de L, mais ce qui est bien, c'est que de loin, le L, on le voit pas du tout. On le voit pas du tout. C'est sûr qu'un propriétaire qui est très, très, tu sais, bon, très strict et dictatorial, là, pourrait vraiment aller regarder partout et toucher, peut-être, bon, voir le L à un moment donné, mais pour le commun des mortels, ça paraît pas. Donc, ça pourrait être bien correct pour tout le monde. Bon. Donc, 5 punaises Ninja Pin, ça coûte environ 5$. Donc, évidemment, pour un poster où t'aurais besoin de 4 pins, ça coûte cher les posters. Mais bon. En même temps, il y a des gens qui achètent des coffins pour les posters, beaucoup plus cher que ça dans des magasins grande surface. Et moi, je les ai achetés. Pas ces Ninja Pins-là, mais les trucs qu'ils vendent dans les magasins grande surface, ça marche pas du tout. Les espèces de morceaux de plastique là, très très longs, genre 2 mètres de long, où tu dois insérer ton poster dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire fonctionner ça sans virer complètement fou? Sans gâcher le poster et faire plein de déchirures ou de gondolages dedans? Ça ne marche pas. Donc moi, les Ninja Pins, tant qu'à payer 5$ pour l'autre, pour l'alternative, j'achèterais volontiers ça. Je trouve ça génial. Surtout si ça fait des trous, tout petits trous dans ton poster aussi. Parce que le mur, c'est bien beau, mais le poster, pour moi, est pas mal plus important que le mur. Bon. Stand by number, c'est des petites serviettes de table réutilisables, donc lavables à la machine, oui. Mais avec des dessins dessus. Il y a des paysages, des toiles de différents genres et tout ça sans couleur. Donc, c'est seulement des lignes, un peu comme dans les paint by numbers. On connaît tous le principe d'avoir une image et tu dois colorier la bonne couleur par rapport aux chiffres. Bon, tu sais, ils vont dire le 3, c'est du bleu. Tu vas mettre du bleu partout, il y a un 3. Bon, ici, à la place, ça vous donne des nourritures à essayer pour vous essuyer la bouche. C'est une bonne idée, non? Donc, disons, je sais pas... qu'est-ce qu'il nous dit? Confiture au bleuet, tiens, ou tarte citron meringue, ou pesto, ou du vin, n'importe quoi. Donc, tu t'essuies la bouche sur les couleurs qu'il faut pour faire la toile. Hein? C'est un peu dégueulasse, je sais. Et peut-être que si tu laves en chaque fois, peut-être que tu n'auras pas les 20 différentes nourritures, mais quand même, l'idée est bonne. Pour l'instant, ce n'est qu'un concept, parce qu'il n'y a pas de prix et il n'y a pas d'endroit où les acheter. Est-ce que c'est le cas? Attends un peu. Non, je crois pas qu'il y ait de place pour les acheter pour l'instant, mais bon, c'est pas grave. Le but de cette collecte-là n'est pas d'acheter les choses en passant, juste pour ceux qui pensaient que c'est ça. Prochaine affaire, c'est aussi un concept. Dans ce cas-ci, c'est sûr que c'est pas achetable pour l'instant. C'est une caméra, d'accord, qui a pas de viseur en tant que tel, ok? Donc, c'est un bouton sur un appareil. Et quand tu prends une photo, à l'intérieur de l'appareil, il y a un téléphone cellulaire qui va télécharger la photo de quelqu'un d'autre via Flickr, qui l'a pris en même temps que toi. Donc, tu payes sur le bouton, ça compose, ça te ramène la photo sur Flickr, sur ton écran d'appareil, et là, tu vois la photo que quelqu'un d'autre a pris à l'autre bout du monde. C'est une super bonne idée. J'adore ça. Ça fait partie d'un projet qui s'appelle un art exhibit, là, donc une place où on montre des affaires, là, qui s'appelle Blinks and Buttons. C'est Sacha Fofep. Qui a fait cette caméra-là qui s'appelle Buttons, tout simplement. Donc, un faux bouton pour prendre une fausse photo. Dans le fond, ça prend pas de photo du tout. Ça fait juste prendre la photo de quelqu'un d'autre sur Flickr. Hein? Bon, j'adore ça. C'est une très bonne idée. Toujours en termes d'appareil photo, une autre bonne idée. Hein? Le clap, qui est aussi d'ailleurs une maladie transmissible sexuellement, le clap, là, mais bon, ici, c'est pas nécessairement ça. C'est une caméra photo et vidéo de la grosseur d'une clé USB, d'accord, avec un petit capuchon. Et là, tout simplement, tu prends une photo avec ça. Et là, ça prend une vraie photo, premièrement. Et après ça, tu peux simplement brancher ton appareil dans ton ordinateur et avoir les photos. Pas besoin de transférer une carte SD ou un fil USB ou n'importe quoi comme ça. Pas besoin. C'est directement dans l'appareil. C'est la Superheads Clap Camera. Ça va jusqu'à 16 gigs. Ça prend des cartes micro SD à l'intérieur, mais tu sais, t'as pas besoin de d'enlever pour la mettre dans ton ordinateur. Tu la laisses dans la clé USB. Donc voilà. Les résolutions sont pas super bonnes. Là. On dit 2 mégapixels. C'est déjà plus que mon iPhone 3G quand même. 1280 par 1024, évidemment, ce qui va attirer les gens, c'est plus la grosseur de la caméra et son look qui est très très joli. Tu peux avoir, ça s'attache à un porte-clés et tu peux facilement le mettre dans ta poche. Et puis des vidéos, on peut prendre des vidéos aussi. 720 par 480, c'est comme une webcam des années 90, mais quand même. 6 couleurs attirantes, donc peut-être que vous allez vouloir le clap. Et là, c'est un beau petit jumeau avec la maladie transmissible sexuelle. Ensuite, Great Balls of Wire, un autre très très beau nom, je trouve ça vraiment bien. Tu sais, c'est comme le film, là, Great Balls of Fire, hein, ou la chanson, peu importe. Bon, Great Balls of Wire, qu'est-ce que c'est? C'est une petite boule, toute petite. Et dedans, à l'intérieur de ça, il y a une fente, et tu peux mettre jusqu'à 5 pieds de fil à l'intérieur de la balle, même si elle est tout petite. Bon, évidemment, ça dépend de l'épaisseur de ton fil. Si c'est un fil de téléphone, tu vas pouvoir en mettre plus qu'un fil d'ordinateur, mettons. Donc, tu mets la majorité de ce fil-là dans la balle et le reste va aller se connecter à un appareil et l'autre à la prise. Et donc, tes fils vont être moins encombrés sous ton bureau. Donc ça, évidemment, tout le monde est d'accord parce que tout le monde déteste les fils. J'espère que je ne suis pas tout seul là-dedans. Très joli. Pour l'instant, ils ne sont pas en vente nulle part. J'aime ça quand les gadgets que je mentionne et que je veux ne sont pas disponibles. Mais pour l'instant, donc sûrement que ça va sortir bientôt ou que le site va être mentionné bientôt sur les différents blogs de gadgets, dont au gizmo.com. Et évidemment, tous les liens que je mentionne, je me les approprie pas. Ils viennent tous de différents sites de gadgets et les liens sont sur assemblagerequis.com, comme toujours. Maintenant, parlons d'une façon d'accrocher ses clés. Parce que vous savez, quand on quitte la maison, souvent, soit on oublie ses clés, soit on est obligé de les mettre sur un crochet ou de les enlever d'un crochet. T'sais, les gens ont des fois des crochets. Des fois, ils vont acheter une plaque de lumière avec des crochets pré-intégrés parce qu'ils veulent pas faire des trous dans leur mur. C'est compréhensible. Ici, on peut acheter une plaque avec un aimant intégré. Un aimant, vous avez bien entendu, un aimant. Et non seulement ça, mais la plaque montre le look de l'aimant. Donc, c'est pas une plaque uniforme. On voit très bien que c'est supposé être un aimant et c'est justement l'idée du principe d'être cute. Bon, ça coûte 25$ sur le Fancy Store. Évidemment, l'aimant est très, très, très, très, très, très fort. Donc, peut tenir un gros paquet de clés ou n'importe quoi comme ça. Je sais pas si vous avez un donjon, peut-être que ça tiendra pas. Mais bon, j'aime beaucoup l'idée. Je trouve ça très beau, très joli. Même si l'article dit qu'on peut peindre par-dessus parce que c'est laid. Non. C'est beau, je trouve. Bon. on reste dans la gamme des lumières. Parce que bon, on parlait d'une plaque pour une lumière, pour monter et baisser la luminosité. Donc dans ce cas-ci, c'est quand tu quittes le bureau, quand tu quittes la maison, des fois tu oublies de fermer la lumière. Bon. Ou des fois tu la fermes pas parce que bon, tu es trop paresseux pour la fermer. C'est ça, t'es un paresseux. Disons-le comme ça. Donc, comment régler le problème? Par un i5. Oui, un i5. C'est une lumière, c'est un bouton de lumière en fait en forme de main avec la texture d'une main pour que ça ait vraiment l'impression là, de donner un i5. Et justement, l'idée, c'est que tu fais un i5 à la lumière et ça ferme la lumière. C'est un peu comme le clapper, mais avec beaucoup plus de coolitude et de i5-isme. J'aime ça. Encore une fois, c'est un concept pas encore disponible. J'espère que ce sera disponible un jour parce que je trouve ça vraiment bien comme idée. Vous avez un iPhone ou un iPod Touch ou un appareil comme ça et vous voulez le transporter, mais vous portez des shorts l'été. T'sais, l'été, il fait chaud, des shorts, pas de poche. Des fois, les filles ont pas de poche. Mais les filles ont une sacoche. Et pourquoi ne pas avoir un iPhone sacoche? T'sais, le lien est douteux, mais quand même. Donc, c'est vraiment un skin, un chose pour mettre son iPhone dedans et ça se transforme en sacoche parce qu'il y a une poignée après. Et là, tes écouteurs peuvent sortir et t'as accès à tous tes boutons. T'sais. Donc, tu peux transporter ça comme une sacoche pour écouter tes MP3 et puis c'est plus facile d'accès. Tu lèves ta sacoche, tu changes de pièce, là, tu continues. C'est Nothing Design Group de Corée qui a fait ça. C'est même une personne nommée Jin Woog Koo. Voilà. Donc, minimaliste, très joli. Minimalisme dépendant de la sorte que vous prenez parce qu'il y en a avec des gens de peau de vache dessus. Tu sais, s'il y a des filles qui ont des sacoches avec des peaux de vache, peuvent avoir une sacoche à iPhone avec une peau de vache aussi. Je trouverais pas ça plus beau. Bon. Prochain sujet, vraiment bien. Moi, j'adore celui-là. C'est une souris sans fil. Mais vous savez, les souris sans fil, ce qui est dommage depuis des années, depuis que les souris sans fil sont sorties, évidemment, c'est qu'il n'y a plus de fil. Donc, c'est plus une souris. Parce qu'une souris, il faut que ça ait un fil. Une souris pas de fil, c'est pas une souris. Bon. Donc ici, c'est une souris sans fil avec un faux fil, genre, si on veut. Mais non, il n'est pas faux, parce que ce que ça a de génial, et là, vous allez peut-être trouver ça fort comme mot, c'est du génie, tout à fait, c'est que la plug qui a l'air d'une queue de souris s'enlève et là, ça devient une prise USB et ça devient ton adaptateur pour avoir le sans-fil de ta souris. T'sais. Souvent, une souris, quand c'est un sans-fil, bon, c'est une petite pinouche là, qui va se brancher puis c'est super laid. Là, à la place, c'est une queue de souris. Et non seulement une queue de souris, mais tu peux avoir une queue de chat, de renard, d'écureuil, de chien, de dauphin, de caméléon, de cochon et de lapin. Je trouve ça trop génial, je suis ému. Là. C'est la Opopet 3-Button Wireless Mouse de la compagnie Elecom au Japon. Non seulement c'est une souris sans fil avec une queue, mais en plus la queue ça aide quoi. J'aime ça, j'aime vraiment ça. Pas de prix listé pour l'instant. Ça me déçoit parce que je la trouve vraiment très très très très jolie. Surtout la queue de dauphin, c'est génial. Même si ça a plus l'air d'une queue de requin par moment, mais non. Bref, j'adore ça. Comment j'ai dit que ça s'appelait? Opopet, O-P-P-O-P-E-T, mais le lien est sur assemblagerequis.com évidemment. Deux petits derniers, là, on arrive à 12 minutes de chronique, là, ça va faire. iStrike, qui est comment t'appelles ça pour faire... c'est bien que je me trompe de mot aussi. Une allumette, voilà. Une allumette pour votre iPhone et iPad. Donc, vous savez que si vous avez utilisé des stylets pour une Nintendo DS ou quelque chose du genre, vous avez vu que ça ne fonctionne pas sur un iPod. Il faut absolument acheter un stylet avec la même technologie. Là. Je me rappelle plus du mot, mais c'est différent. Il faut absolument quelque chose qui imite un doigt, tu sais. Bref, 30, en tout cas, je me rappelle pas du mot. Ici, c'est donc une allumette qui sert de stylet pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad. C'est très, très joli. Allez voir ça. Ça s'appelle le iStrike. Bon. Et finalement, celui qui a le moins d'utilité de la journée, je crois, c'est le câble USB avec bout collant. Donc, d'un côté du fil, tu as une prise USB. D'accord? Vous voulez jouer un tour, là. Une prise USB d'un côté et l'autre côté, ça se colle sur n'importe quoi. Tu le colles sur une bouteille d'eau. Tu le colles sur une banane. Et là, les gens vont se demander, mais qu'est-ce que ça fait, ta banane USB? Est-ce que je peux faire un appel? Et il va la prendre, il va essayer de composer dessus. T'sais. Genre, t'sais. Donc, c'est sur ThingGeek que ça vaut 5$. Et ça va vous donner deux câbles USB. Caroline, ils sont généreux. 5$ pour deux câbles USB qui doivent coûter 5 cents à faire. C'est super. Et ils disent que non, ce n'est pas une blague du poisson d'avril. Étrangement, on n'est pas en avril du tout. Voilà. Surtout pour la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. C'est bien, hein? C'était quoi votre gadget préféré? Non, personne pour me répondre. il nous reste encore une petite demi-heure à l'émission La vie de croisière d'assemblage requis. Oui, on termine ça dans moins d'une demi-heure. Et là, il nous reste seulement les positions 2 et 1. Je me dis qu'à la place de vous faire languir plus longtemps, allons entendre les positions 2 et 1 à l'instant. Et puis plus tard, après ça, on se jouera d'autres musiques, dont le poste d'écoute de la semaine passée, Eugène et le cheval, c'était très bon ça. Mais donc, position numéro 2, tout de suite, Galaxy avec Camouflard. Et après ça, on revient et on fait le jeu de mots pour le numéro 1, parce que même quand je suis seul, je dois bien me divertir d'une façon ou d'une autre. Camouflard, Galaxy, tout de suite sur C'est Fou, 89.1 FM. 9876. Vous êtes assez fou. Vous l'écoutez. 89.1. Bonjour, c'est la vie de croisière d'Assemblage Requis pour encore une 22aine de minutes. Moi, c'est Mathieu Plante. Dans cette dernière vingtaine de minutes, il va y avoir tout à l'heure une petite chronique CNX. Oui! CNX, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chronique CNX. Ça me tente de faire ça. Mais avant ça, on a le numéro 1. Et avant de faire le numéro 1, c'est toujours les jeux de mots. Hein? Les jeux de mots. Parce que c'est pas battable. You cannot beat it. Hein? Beat in the polls. C'est le nom de la pièce. Hein? C'est pas très bon. Hein? J'aurais peut-être dû les regarder avant. Je peux pas faire de jeu de mots avec Ostra non plus. Qu'est-ce que ça va? Ostraciser, il y a pas une définition pour le mot ostraciser, je me rappelle pas. Ah, attends un peu. Hey, je suis en train de faire des jeux de mots pour la mauvaise pièce. Voyons, tu parles de non-professionnalisme dans cette émission-là aujourd'hui, ça a aucun sens. C'est même pas ça le numéro 1. Le numéro 1 est francophone. On dirait que j'ai pas dormi cette nuit. On dirait que j'ai travaillé sur l'émission toute la nuit pour avoir de l'excellent contenu. Je faisais de l'insomnie. Ouais, vous avez compris que le nom de la pièce, c'est nos insomnies. Hein. La position numéro 1, francophone, j'ai fait un fou de moi tantôt avec mes jeux de mots. Là. Bon, je demande pardon à la population. C'était Kid Sentiment avec Nos Insomnies, ça monte de 3 places sur l'album Amour de Vacances. Il y avait tellement de jeux de mots possibles à faire avec Kid et Sentiment et Amour de Vacances, mais je les ai même pas pris, j'ai pris juste Insomnies parce que je suis poche dans le jeu de mots. Maintenant qu'on a terminé le palmarès francophone, c'est l'heure de ramener une petite chronique que je fais depuis tellement longtemps, je pense comme 7-8 ans, mais ça doit faire 6 mois que j'ai pas fait là, dans le présent. Donc voici la chronique technologique et très très geek CNX. CNX, la chronique de la vie du geek, la radio. Potash.com. Oh, oh, la roulette chanceuse, mashup. Et oui, la chronique Cédric, c'est la chronique la plus geek de la radio. Et mashup, ben, c'est la sous-chronique où je vous présente n'importe quoi dans n'importe quel ordre. C'est un petit peu comme un genre de tour du net slash utilitaire sport, genre. Mais pas sport, du tout. Alors, on commence avec des blogs, tiens, pourquoi pas. C'est le blog No Mario's Allowed. C'est un petit peu comme Homer ou qui d'autre faisait ça dans Simpsons, No Homers, No Homers Club. Mais ici, le club des non-Mario. C'est un Tumblr, donc dans le fond, un Tumblr, juste un blog... très simple. D'habitude, des Tumblr, c'est toujours très, très, très simple. Donc ici, ce qu'on vous présente, c'est des dessins par Ashley Davis, qui est un artiste très, très, très, très bon, qui nous présente, dans le fond, des personnages de jeux vidéo moins connus. Donc, pas de Mario, pas de Zelda, Metroid, Sonic, Portal, Kirby, Pokémon, Tetris, Mega Man, Final Fantasy, Street Fighter, non, rien de ça. Juste des séries un petit peu plus underground. Et la plupart du temps, pas de jeux qui sont sortis depuis les 5 dernières années. Donc, il prend un personnage inconnu et le dessine dans son style artistique particulier, particulièrement beau. J'adore ce qu'il fait. Il dit qu'il peut faire des exceptions pour des vedettes de séries de jeux vidéo, mais des vedettes moins connues. C'est genre des personnages un petit peu plus obscurs. Donc, si on regarde sur la page d'accueil en ce moment de nomarios.tumblr.com, Tumblr, pour ceux qui ne connaissent pas encore, là, il va falloir retenir ce nom-là parce que tous les blogs ont Tumblr de ces temps-ci dedans. Donc, T-U-M-B-L-R.com. Hein? Donc, on regarde sur la page d'accueil et la vedette du jeu, Altered Beast. C'est bien ça? Altered Beast. Tu vois, je ne connais pas ces jeux-là. Altered Beast, c'est beau. C'est très joli. Popo et Nana de Ice Climber. Alors ça, c'est quand même pas si pire populaire. Ice Climber, le petit jeu où on montait des plaques de glace là, à la verticale. Donc, Popo et Nana sur la NES. C'est très joli. Des personnages de Echo the Dolphin sur la Genesis. Echo et les Astérites. Astérites, d'accord. Plock, qui avait son propre jeu vidéo sur Super Nintendo. Ah, eh bien. Klonoa et Yupo du jeu Klonoa Door to Phantom Mile sur la PlayStation 1. Je pourrais continuer très longtemps. Il y a Diablo dans la série Diablo. Quand même une grosse série de jeux vidéo, mais un personnage pas très connu de certains gens. Tu sais, c'est pas aussi mainstream que Mario, j'avoue. Donc c'est No Mario's Allowed sur nomarios.tumblr.com. Le prochain, j'adore ça, c'est starbucksspelling.tumblr.com. Hein? Donc c'est des erreurs d'épellation de chez Starbucks. Parce que vous savez, Starbucks engage plein de gens, pas nécessairement des gens qui savent tout à fait écrire des prénoms, apparemment. Donc, c'est une collection de fautes d'orthographe, si on veut, des inventeurs du Frappuccino. Donc, des gens des baristas, comme on les appelle dans le domaine. Par exemple, sur la page d'accueil, on retrouve Kenny, écrit K-E-N-I. D'accord? Pas très commun, hein? Rachel, qui s'écrit J-U-L-I-E. Ça ressemble étrangement à Julie, mais bon, c'est Rachel, hein? Kersey, qui s'appelle K-U-R-S-T-Y. Très commun. Rachel aussi, R-A-C-H-E-A-H. Ça peut arriver. Alex, ça peut être A-L-E-S. Hein? J'aime vraiment ça. Il y en a qui sont difficiles à lire. Jared, J-E-R-R-E-N. Et voilà, je pourrais continuer très longtemps. PDF My URL, qui est le prochain utilitaire que je vous suggère, et j'aime vraiment beaucoup ce site-là. Pourquoi? Parce qu'il donne un résultat particulièrement fidèle. Tu sais, souvent, quand tu vas prendre une page web vraiment super simple et que tu vas la faire imprimer, tu sais, par le menu fichier imprimé ou encore que tu vas la copier-coller dans Word ou n'importe quoi, le résultat est jamais, jamais, jamais ce que tu veux. C'est tout le temps dégueulasse, ça n'a juste aucun sens. PDFmyURL.com, tu entres ton adresse, l'adresse d'une page web, n'importe quelle page web, vraiment n'importe quelle, la plus compliquée du monde. Comme j'ai pris assemblagerequis.com, qui est un blog WordPress, c'est quand même pas évident à imprimer d'habitude. Et là, ça te fait un PDF tout à fait fidèle que tu peux après ça faire imprimer telle une image. Et la beauté de la chose, c'est que tu peux copier-coller le texte de ce PDF-là après. Tellement c'est bien, c'est du vrai PDF bien codé, tu sais. J'adore ça. Présentement, on dit que 12 062 000 PDF qui ont été servis par ce site-là. Et c'est très recommandable. J'aime beaucoup ça. PDFmyURL.com. PDFmyURL.com. URL comme une adresse de site internet. Bon. Un autre utilitaire, peut-être un petit peu moins utile dans ce cas-ci, c'est typographite.com, T-Y-P-O, bon, typo, hein, graphite, F-I-T, juste 2 F-I-T, bon. C'est un site qui vous permet d'entrer n'importe quel texte et de vous donner une note de rançon. Tu sais, souvent dans les films, on voit, quand il y a une rançon, c'est des lettres de différents journaux qui sont collées un peu n'importe comment sur une feuille, et bien c'est le même principe, mais sur Internet. Très joli, très bien fait. on peut actualiser, même si on écrit une phrase, d'accord? On peut faire actualiser et changer la phrase qui est déjà écrite en d'autres sortes de lettres. C'est bien. C'est bien fait. Typographite.com. Évidemment, les liens sont sur assemblagerequis.com. Le prochain est un jeu que je vous suggère, un jeu de course, en fait, où les courses, la façon de courser, en fond, la trajectoire de la course est déterminée par la musique que tu joues dans ta propre bibliothèque de musique. Il y a déjà plusieurs clips sur YouTube de gens en train de jouer. Ça rappelle un petit peu Guitar Hero. Dans le fond, c'est que chaque note... Bon, en tout cas, je sais pas comment ça analyse la chanson, mais chaque note représente une place différente sur la piste. Donc, un peu comme dans Guitar Hero, tu vas devoir changer tes doigts de place par rapport à ce qui est montré à l'écran. C'est la même chose. Donc, tu vas devoir tasser ton véhicule d'une piste à l'autre par rapport aux notes de musique. C'est super, super bien fait. Ça s'appelle Audio Surf sur audio-surf.com. Leur slogan est « Ride your music ». Donc, promenez-vous donc sur votre musique. Hein? Alors, on peut voir des vidéos là-dessus. On peut télécharger la démo ou l'acheter. Malheureusement, pour l'acheter, c'est 10$. C'est pas gratuit. On nous donne même sur leur site un palmarès des chansons les plus jouées, dont Fantasma. D'accord. Et d'autres que je connais pas non plus. Eh ben, mais c'est quand même joli. C'est bien fait. C'est de la musique mis en jeu vidéo. J'aime ça. Prochain, c'est rien du tout, en fait, d'utilisable par vous, je crois pas, à moins que vous soyez vraiment très impressionné par l'idée. C'est un magazine qui s'appelle Rapper. C'est un magazine d'art qui est fait pour être désassemblé après la lecture et être réutilisé comme papier d'emballage et comme papier à lettres. Donc, en fond, c'est un magazine. D'ailleurs, ils ont même pris les commentaires de des utilisateurs et ont agrandi les pages encore plus. Donc, c'est rendu vraiment un très, très grand magazine en grandeur. Là. Et c'est ça, donc, tu tournes les pages. Il y en a en couleur, en noir et blanc. Et quand tu as fini la lecture, entre guillemets, ou d'avoir visionné le magazine, tu peux enlever les pages et t'en servir comme papier d'emballage ou comme papier à lettres. Donc, c'est comme je disais, c'était plus gros qu'avant. C'est perforé maintenant, la couverture arrière est perforé pour que ça puisse devenir 8 cartes de notes, tu sais, pour écrire des affaires dessus. C'est vraiment super bien fait. C'est Rapper Magazine. Vous pouvez les retrouver sur therappaper.com. Therappaper.com. C'est comme un mélange entre un magazine et un journal. Coup de cœur vidéo, cette fois-ci, toujours dans la chronique CNX, c'est la chronique la plus geek de la radio. Person Pinball, vous avez peut-être vu ça circuler sur Facebook, je suis peut-être vraiment pas original en le mentionnant, mais moi, c'est mon coup de cœur quand même. Person Pinball, c'est un genre de vidéoclip, si on veut, musical, ça dure 2 minutes environ, et c'est, j'ai pas le nom de l'auteur, de qui l'a fait, là, est-ce que ça dit? Et de toute façon, le titre a l'air d'être Animation Block, mais bon. Peu importe, c'est une vidéo où, en stop motion, donc le gars a pris des gens, des amis, j'imagine, et les a fait bouger image par image pour créer une partie de pinball, donc avec des, comment on se rappelle, une balle, qui vont, bon, avec des petites patentes en balle. Et mes termes sont parfaits aujourd'hui, parfaits. Mais c'est super bien fait, 2 minutes, visuellement très très rapide. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Et finalement, fuckingyoung.es, /selected, est la prochaine adresse à aller voir. Le blog s'appelle Fucking Young. Oui, c'est bizarre. Sous-section selected, d'accord? J'imagine que c'est une sous-partie de son blog dont on se fout un peu, là. Il y a tellement trop de blogs sur Internet, mais bon. Donc, on prend des toiles ou des images connues et on enlève complètement la personne de dessus. Et on le remplace par la ligne de sélection dans Photoshop. Tu sais, quand tu prends une sélection dans Photoshop, ça devient des pointillés qui ressemblent à des fourmis qui marchent. Donc, ça remplace les personnes comme, mettons, la Mona Lisa par ces petits filets de Photoshop-là. Et le gars reproduit en arrière ce que l'arrière-plan de la toile aurait été si ça n'avait pas été de la personne qui était dessus. Hein? Donc, on voit la Mona Lisa, on voit des trucs religieux, des affiches de films, d'autres toiles très, très connues. Des publicités connues peut-être, plein de choses comme ça. Donc c'est sur fuckingyoung.es /selected. Beau petite sélection, si on veut, d'images modifiées par Photoshop. J'adore ça. Voilà pour la chronique CNX. C'est tout. Il nous reste quelques minutes à peine à l'émission. Je vous avais dit, je vous avais promis que je vous ferais jouer du Eugène et le cheval parce que c'était notre poste d'écoute de la semaine dernière ici à l'émission. Donc, on va les réécouter avec leur pièce, la pièce qui ouvre l'album, qui se nomme, et l'album s'appelle Plantes carnivores et autres mécanismes de défense. La pièce, elle, s'appelle Jolie fin du monde. Ça se passe maintenant parce que c'est presque la fin de l'émission, la fin du monde, 2012. C'était la vie de croisière d'assemblage requis pour encore 8 minutes environ. Jolie fin du monde par Eugène et le cheval sur leur album Plan Carnivore et autres mécanismes de défense. La vie de croisière d'assemblage requis, c'est déjà la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain en direct à 13h. On rappelle les samedis à midi et les lundis à 15h. D'ailleurs, ce qui nous suit le jeudi, c'est la sécheuse et puis la spirale suivra à 18h avec Mathieu Leblanc-Houle. Les samedis, ce qui nous suit, c'est C'était fou, l'émission que j'anime en rediffusion. L'émission qui rembobine, c'est fou, évidemment. Et les lundis, ce qui nous suit, c'est la sécheuse et puis Rock Révélé à 20h. Retrouvez les balados diffusion et les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. La semaine prochaine, à l'émission, Marie-Pierre Laforge-Bourret devrait être de retour à la co-animation avec moi. Donc, moi, c'est Mathieu Plante. Merci d'avoir été à l'écoute. On se quitte avec deux pièces. Une de The Luyas, Too Beautiful to Work. Très, très, très, très bon. Ça vient de leur album qui s'appelle Dead Ocean. Non, ou Too Beautiful to Work, je crois. Et suivra Death Cab for Cutie avec une reprise de la formation Ride. La pièce Twisterella, ils faisaient ça à plein de spectacles live devant public. Mais le groupe a décidé de faire une version studio en visitant la BBC récemment. Donc, c'est la pièce Twisterella de Ride, mais reprise par Death Cab for Cutie qu'on va entendre à la fin. Mais pour l'instant, voici The Luyas et Too Beautiful to Work. On se quitte là-dessus. Passez une excellente fin de semaine. Ou semaine, et à la prochaine fois. Bye!